tous. Je me présente et je m'occupe donc des cafés géographiques avec l'équipe. Et l'équipe ce soir est au complet. Et donc pour ce premier café géo de la nouvelle année, pour tout d'abord meilleurs vœux. Et j'en profite pour vous présenter l'équipe. Tout d'abord ceux de l'UPT, il faut savoir que l'Université Populaire de Tours, donc, qui a été créée en 2005, dès 2007, a appuyé le projet des cafés géographiques et l'a soutenu et permet donc que ce projet des cafés géographiques se perpétue d'année en année, parce que les équipes des étudiants et des doctorants tournent. L'équipe partenaire, c'est Confluence, les étudiants donc qui sont dans l'organisation des cafés géographiques, il y a Constance, Luca, Loïc et puis d'autres qui sont aussi dans la salle, hein, qui soutiennent. Il y a également l'association Espace et Gwenaëlle représente l'association Espace avec Cécilia. Et donc ces trois associations travaillent ensemble pour préparer le programme et les thématiques. Et donc l'an dernier, quand on a choisi ce thème sur les données publiques, on ne pensait pas que ça serait autant d'actualité. Je laisse la parole à Gwenaëlle pour la soirée. Merci. Donc bonsoir à tous, et puis je tiens aussi à vous remercier de votre présence ce soir, parce que c'est aussi votre présence qui donne tout son sens à la démarche des cafés géographiques, puisque ça n'a pas l'intérêt de faire des cafés géographiques sans public, donc merci à vous d'être là ce soir. Alors le principe des cafés géo, c'est assez simple, donc on a trois intervenants ce soir qui vont avoir chacun une quinzaine de minutes pour faire un exposé, puis nous vous donnerons la parole. Puisqu'en fait, tout l'intérêt aussi des cafés géographiques, c'est justement d'ouvrir un espace de dialogue et de débat avec vous. Et l'idée, c'est bien en fait de partager nos savoirs en essayant d'atténuer cette hiérarchie qui existe encore aujourd'hui entre savoir savant et savoir profane. Et je crois que c'est important de préciser que s'agit aussi, cette idée, en fait, s'agit aussi de libérer le savoir, c'est-à-dire de s'approprier, d'une certaine manière, le savoir au sens large du terme. Et l'idée de ces espaces, comme les cafés géographie, c'est bien d'essayer d'offrir à tous les moyens d'une appropriation critique des analyses forgées en sciences sociales, et notamment en géographie. Je précise aussi qu'en fin de soirée, les discussions pourront aussi se poursuivre autour d'une petite collation qu'on réserve toujours pour la fin de chaque café géographie, ce qui permet aussi de pouvoir discuter avec les intervenants de manière un petit peu plus informelle. Alors sinon, pour le thème de la soirée, donc données publiques, jouons cartes sur table. Alors ce soir, nous allons entendre parler donc de données publiques, d'open data, de données cartographiques. Donc autant de mots que nous entendons de plus en plus sans forcément en connaître et en maîtriser les enjeux. Tant ces enjeux finalement sont multiples. Donc ces enjeux sont multiples, pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont, je vais citer quelques termes comme ça, mais c'est pas exhaustif, ils sont à la fois scientifiques, économiques, démocratique, sans oublier aussi la question des libertés individuelles qu'on aura justement l'occasion d'aborder ce soir. Alors ce soir, pour ce café géographie, nous avons donc une diversité d'intervenants que je tiens aussi, j'en profite, à remercier pour leur présence. Alors nous avons tout d'abord donc Dominique Andrieux qui se trouve juste à côté de moi. Donc Dominique Andrieux, donc géographe, cartographe à la Maison des Sciences de l'Homme de l'Université de Tours, et qui va aborder cette question plutôt sous l'angle du champ de la recherche. Nous avons aussi Cyril Gicchello, qui est membre du collectif Open Data 37, qui est un collectif qui œuvre, donc je cite, à la promotion et l'animation de la libération des données libres en Touraine, et qui lui va, si j'ai bien compris, plutôt nous aborder cette question sous un angle plutôt historique, politique, éventuellement économique, si j'ai bien compris. Et puis enfin, nous avons un représentant du collectif Tours sous surveillance. Donc collectif qui nous propose un outil de lutte contre la surveillance, notamment contre la vidéosurveillance, et qui abordera cette question plutôt sous l'angle des libertés individuelles. Voilà, donc je vais donc à présent laisser la parole à nos invités en sachant que je serai le temps d'une soirée le gardien du temps et que je me rappellerai à vous si nécessaire. Voilà, donc peut-être commencer par... Enfin, je propose que ça commence par là-bas. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Il n'y a pas de problème. Non, parce que ça m'intéresserait de savoir ce que tu as à dire sur justement l'open data et... Oui, c'est des abus, je suis assez d'accord. Je pense que présenter d'abord la question de l'ouverture des données sur laquelle tu milites particulièrement. Et à ta place, si tu veux brancher les données. Voilà, nous allons donc arriver à avoir un ordre. On va pas attendre l'ordinateur, j'ai déjà attendu les ordinateurs. Je rattraperai les diapositives que j'avais préparées, je les ferai plus vite, peut-être. Commencer. Juste donc, l'open data, c'est une histoire pas très ancienne, mais on peut aussi l'avoir au fondement de la création de notre République, de la République et des pays avec une, qui ont été une démocratie, un moment où, en fait, le pouvoir a été donné au peuple. Voilà, je ne sais pas si c'est rapide, mais apparemment, le pouvoir est au peuple. Et donc, du coup, on élit des gens, et puis voilà, après, ça s'organise, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, donc on s'organise autour de ça. Et donc, il y a quelques années, un mouvement qui s'appelle l'Open Government, donc le gouvernement ouvert, la démocratie ouverte. Et ce mouvement a été porté, il y a toujours eu des militants pour relancer la démocratie et la République. Et ce mouvement-là, il est né un peu des technologies, en fait. Le fait qu'on était tout le temps sur les ordinateurs, ceux qui aiment pas ça, en fait, ils sont tout le temps sur le téléphone, etc. Donc, il y avait des grands flux de données. Que finalement on faisait tous un peu du tableur, enfin des analyses numériques, etc. Et donc l'outil numérique pouvait être peut-être même indispensable en fait à la participation démocratique. Et donc du coup c'est pour ça qu'est né le mouvement Open Data, Open Government, c'est-à-dire avec un nom qui lui est propre, parce qu'il y avait un sens. Quoi. Sinon, donc il y a des fondations, généralement c'est des fondations américaines, qui aident aussi dans les autres pays. Il y a plein de bénévoles ici qui sont en France qui sont aidés par de l'argent américain, parce que c'est facile de monter une fondation là-bas pour défendre les droits des citoyens. Donc il y a l'Open Government Foundation, etc. Je ne sais pas si je suis affiché. Voilà, donc le mot Open Data, il y a Open dedans. Donc c'est la notion de liberté. Je m'interromps. Ça, c'était ce que je viens de dire, en fait, c'était un peu ça. Donc, il y a le mot Open Data, mais en fait, il est en périphérie d'une thématique démocratie ouverte avec plein de petits maillons. Mais là, on a un quart d'heure, donc je vais vous laisser du suspense à chaque diapo, hein, on se verra après. Voilà, j'ai des 6h jusque tard, donc je vais vous montrer jusque tard. Voilà, donc Open Data, ce que je disais, donc, voilà, le mot Open, il faut le prendre comme liberté d'utiliser, de réutiliser et de redistribuer. On verra un peu, je repasserai sur ces concepts-là. Plus fort encore. Alors, liberté d'utiliser, de réutiliser et de redistribuer. On verra à la suite d'autres modes comme ça de transmission et de partage. Et puis l'autre côté, data, les données qu'on peut aujourd'hui vraiment voir comme de la connaissance. Pas forcément de l'information, après il faut l'analyser, enfin, il faut en faire quelque chose, mais c'est quand même une grosse base de connaissances aujourd'hui. Ben, c'est un schéma que vous voyez peut-être pas très bien, mais en tout cas sur le net, on en voit souvent des espèces de nébuleuses de données. Et en fait, notre société aujourd'hui, elle est essentiellement faite de choses comme ça, pour notre quotidien, en tout cas les citadins, beaucoup avec ça. Donc sur l'open data, on va mettre 4 thématiques qui vont permettre de toucher un peu tout le monde, que ce soit les citoyens, que ce soit les élus, que ce soit les entreprises. Donc il va y avoir une histoire de valorisation, donc développer des nouveaux services et des nouveaux usages. Parce qu'on pourrait dire que c'est cette masse de données, elle est en fait un peu une matière première de l'économie numérique et puis de l'économie en général, parce que tout est basé un peu sur le numérique. C'est-à-dire même dans le commerce, quoi, on manipule beaucoup de chiffres et puis beaucoup de données pour faire du marketing, pour faire des choses comme ça. Donc du coup, là, on va pouvoir peut-être innover et développer des nouveaux services et de nouveaux usages et valoriser aussi l'image et les relations avec l'administration. Ensuite, on va avoir un concept d'innovation, puisque avec le mot « open », on a ouvert, open d'innovation. Et donc la matière première, la donnée peut devenir une matière première pour faire de la recherche, et pas au sens scientifique, mais au sens entrepreneurial, pour trouver des nouvelles choses. Et en même temps, dynamiser le tissu local, ça peut être aussi un vecteur pour rejoindre les citoyens et le fonctionnement de leur territoire. La transparence, pour débattre en connaissance de cause, c'est-à-dire s'éloigner de la perception et se rapprocher d'une réalité. On n'aime pas quelque chose, mais en fait, on n'en sait rien, puisqu'on n'a pas regardé les chiffres, on n'a pas analysé. Donc ça peut être un moyen de transparence sans forcément tout surveiller. Et voilà, le lien social, donc ça rejoint un peu tout le reste, avec le lien avec l'administration, en fait, et le fonctionnement. Le fonctionnement, hein, ce n'est pas de stigmatiser l'administration, c'est de s'intéresser et de revenir sur le fonctionnement de notre société, quoi, le vivre ensemble. Et redévelopper le lien social par la transparence. Donc on va retrouver six dimensions. Ça, c'est une image qui date peut-être de 2009-2010, quand le mouvement Open Data, donc l'ouverture des données publiques, est né en France. C'est l'association Libertique, que je reciterai plus tard, qui a vraiment fait une grosse promotion de la donnée ouverte en France. Donc on va retrouver les six dimensions, c'est politique, juridique, technique, organisationnelle, économique et sociale, que je recroise en fait tout le temps à chaque fois que je parle. Voilà, donc l'historique, ben, on pourrait dire que ça commence au moment où la liberté guidant le peuple a fait naître la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et dans son article 15, cette déclaration dit que la société a le droit de demander à tout agent de l'administration de demander des comptes. C'est une issue en fait. On peut demander des comptes. C'est vrai, on peut le faire. Voilà, ensuite, pour réaffirmer ce pouvoir en fait, des citoyens, cette capacité d'interagir, il a fallu attendre dans les années 1978, où il y a une loi CADA, C-A-D-A, donc Commission d'accès aux documents administratifs, donc un peu comme un parallèle avec la CNIL, c'est-à-dire que c'est une commission qu'on va pouvoir saisir parce qu'on nous a refusé l'accès à un document. Après, je ne vous cache pas que ça, c'est bien sur le papier, mais en fait, en vrai, on va vous demander dans quel catalogue elle est l'information, la donnée. Donc du coup, ça, vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas formé aux outils administratifs et donc du coup, vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas où ils l'ont rangé, quoi. Même des fois, elles ne le savent pas. Donc malgré cette possibilité, c'est quand même pas gagné. Mince, ça a changé. Voilà. Ensuite, on a eu en 72, c'était à Rio, le sommet de la Terre, là. Il y a eu l'agenda 21. Donc c'était l'agenda 21, ça a été, je ne sais plus, 170 pays au moins, en 92, qui se sont mis à travailler sur une thématique qui permet de faciliter en fait toutes les dimensions autour du vivre ensemble. Donc, dont en fait un chapitre sur les outils numériques pour fluidifier en fait les échanges dans la démocratie et dans la République. Ensuite, en 2005, la fameuse loi CADA a été renforcée par une directive européenne, donc qui a été retranscrite à la suite dans le droit français. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inscrit en fait dans le socle de nos pays démocratiques, le fait qu'on puisse avoir un accès libre aux informations qui servent à piloter la société. Après, sûrement M. Andrieux en parlera mieux que moi de Inspire, qui est une directive européenne qui est née en 2007, qui doit se terminer d'ici quelques temps, en fait, qui oblige toutes les institutions qui produisent de la donnée géographique à la mettre à disposition. Alors, c'est plutôt entre eux, quoi, c'est-à-dire entre les institutions. Nous, on a un peu de mal à y aller. Souvent, il faut signer une charte, etc. Mais l'idée, elle était quand même de tout mettre en place. Pourquoi j'insiste, moi, sur Inspire, pourtant, je ne suis pas géographe, et ben, c'est qu'en fait, ça veut dire que quand on nous dit « Ah, mais ça coûte cher de mettre des trucs à disposition sur Internet », non, puisque Inspire, en fait, a obligé, avec nos impôts, à mettre en place plein de systèmes informatiques accessibles sur Internet pour que les institutions puissent échanger entre elles plein d'informations géographiques. Donc, finalement, il y a un mot de passe, et puis il faut signer un papier pour y avoir accès. Donc, si on enlève le mot de passe, paf, voilà, c'est accessible. Donc, il n'y a pas de coût financier, et il est déjà couvert, en fait, par cette directive. Après, il y a la dimension juridique. Il y a une dimension juridique. Donc là, avec tout ce que j'ai dit précédemment, on voit qu'il y a un droit opposable. Bon, à ça, la contrepartie, c'est la limite de responsabilité par rapport au producteur des données. On va voir un peu qui produit la donnée. La réponse, c'est un peu tout le monde. Donc du coup, il y a le droit opposable, donc la limite de responsabilité du producteur des données, ce qui veut dire que voilà, on ne va pas pouvoir l'attaquer parce que sa donnée n'était pas juste, parce qu'elle n'était pas fraîche, ou voilà, il y avait des problèmes dessus. Et puis, pour pouvoir partager entre nous, pour pouvoir mettre en place ce droit et cette liberté à utiliser, réutiliser, distribuer les données, on va avoir, pour pouvoir s'inscrire en fait dans le droit, il faut faire un contrat. Donc quand on veut faire quelque chose avec quelqu'un, deux organisations, elles vont établir un contrat. C'est un contrat commercial, c'est un contrat d'usage. Il y a toujours quelque chose de factuel qui va permettre de conclure un contrat. Donc, en s'inspirant du monde des logiciels libres qui a depuis longtemps établi des principes de licence qui définit en fait le partage et en plus du partage des fois des obligations, par exemple l'obligation de repartager à l'identique. Aujourd'hui en France, les données publiques elles sont principalement mises à notre disposition via deux licences. On va retrouver la licence ouverte qui a été créée par le gouvernement et à l'initiative du gouvernement, et une autre qui est plutôt internationale, qui est l'Open Database License, qu'on appelle autrement, on l'appelle ODBL. Et il y a une grande différence entre les deux, une et une seule. Leur point commun, donc, c'est que vous pouvez utiliser les données et en faire bien ce que vous voulez. Vous pouvez faire de l'argent aussi, hein, vous pouvez les enrichir, faire de l'argent. Enfin, voilà, il n'y a quasiment pas de limite à part de citer la source. Et on va dire que la licence verte, elle n'a pas de retour. À part citer la source de la donnée, on n'a pas d'autres obligations. L'autre licence, l'ODBL, elle en a une, c'est vous avez le devoir de repartager à l'identique les enrichissements que vous aurez pu faire sur la donnée. Et donc, du coup, ce qui nous amène à parler de bien commun. Alors, le bien commun, souvent, on l'associe à l'eau, des choses comme ça, qui sont assez concrètes et qu'on partage sur la planète entière. Mais nous, dans notre monde, en tout cas, de geeks, d'informaticiens ou de je ne sais pas quoi, parce que finalement, il n'y a pas que des gens qui savent servir de l'informatique qui sont intéressés par l'information et par le partage des documents et du savoir. Et ben dans ce monde-là, on n'a pas envie trop de parler, savoir si on peut faire de l'argent ou pas avec les données publiques. Ce qui va plutôt nous intéresser et sur le quoi on va plutôt se battre, c'est est-ce qu'on oblige, du coup, ces données publiques qu'on a libérées, est-ce qu'on oblige à les laisser dans le bien commun? Et donc, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas se les approprier s'il les enrichit, s'il les améliore ou ça. Et bien, est-ce qu'il doit les reverser, finalement de la même façon qu'ils les avaient. Donc, les remettre à disposition de tous. Ça, si vous voulez en voir un peu plus, parce que c'est aussi pareil sur la culture, sur l'accès aux fonds documentaires, les bibliothèques et les archives, tout ça. Vous avez Silver Mercier, Aka Silvae ou Bibliocession, c'est son blog, et il a écrit beaucoup de choses. Et puis, il y a plein de copains qui ont écrit. Enfin, quand on va chez voir du côté de Silver Mercier, on va avoir plein de textes par rapport aussi à l'open access pour les universitaires, à savoir est-ce qu'on met à disposition tous ces mémoires qui ne servent pas à l'économie, est-ce que ce serait bien en fait, de les mettre à disposition tout le monde, est-ce que ça doit rester dans les tiroirs des universités. Donc, il faut aller voir de ce côté-là. Après, l'open data, il y a donc la dimension organisationnelle. Ce dessin-là, en fait, on l'appelle le cercle vertueux. C'est essayer de remettre en marche en fait, une collaboration entre la société civile et cette administration. Donc là, on a les politiques, ce qu'on en a besoin, en fait, c'est finalement se garant de l'intérêt général. L'administration, bah, c'est celle qui en charge de tout ça fonctionne. Et puis les citoyens, donc les citoyens, c'est des associations, c'est des entreprises, c'est des individus, c'est vous, moi, en tant que professionnel ou en tant que particulier. Et au lieu de râler en disant ah, ils sont tout le temps à l'administration, tout le temps en train d'être chacun dans son camp et tout ça, l'idée, ça serait de remettre un cercle vertueux. Et le fun data, en fait, est. Quand on le pratique, et ben en fait ça marche pas mal. Alors évidemment, ça ne résout pas tous les problèmes, hein. C'est pas parce que qu'il n'y aura pas de pauvres et tout, mais en fait c'est une démarche qui permet de tisser un lien plus constructif et collaboratif en fait, avec les sociétés. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les politiques publiques, on veut replacer l'usager au centre. L'open data, c'est peut-être un moyen que l'usager s'empare en fait, de sa place au centre. Et la confirme. Voilà. Ouais, donc il faut décloisonner en fait et collaborer et agir en transparence. Après, les dimensions économiques et sociales, moi je fais rapide normalement, je tiens plus de 3 heures. Donc, du coup, j'espère que je suis un petit peu discuté, parce qu'on a un quart d'heure, pas d'habitude. Donc du coup, économie sociale, alors j'ai pas mis d'autres choses, je vais vous parler d'autres choses. Donc data lab, alors je suis un peu dans le même sujet, data comme les données, et lab comme laboratoire, laboratoire, j'ai un peu en français. Et de l'autre côté, là, on ne voit pas bien sur le logo, mais c'est marqué info, lab, donc information, et lab comme laboratoire. Donc l'idée, ça va être qu'aujourd'hui, on est dans une société du chiffre, on peut la dire numérique, on peut la dire informatisée, quoi qu'on en veuille, en fait, d'être fort en orthographe ne suffit plus, quoi. On ne peut plus dire, ah, moi je suis littéraire, les chiffres, j'y comprends rien. On est obligé quand même de savoir lire une, bah, quand on lit ses comptes en banque, quand on fait de l'épargne, quand on lit sa facture EDF, quand on nous appelle de tous les côtés parce que voilà, il y a la concurrence qui s'est ouverte sur les services publics, et donc du coup on nous fait des propositions diverses et variées. Du chiffre, on est obligé. Donc si on ne développe pas une culture du chiffre, on ne risque pas de s'en sortir. Donc il faut peut-être aussi casser le côté littéraire, matheux. Les maths, c'est vachement plus intéressant que des trucs de tableur, quoi. C'est fabuleux les maths. Il ne faut pas les résoudre juste à quelques chiffres, même des milliers de chiffres, mais ce qui vont après être gérés avec des additions et des divisions. Ça doit être vraiment des trucs de base. Donc l'économique et sociale, ça concerne les entreprises, les assos et les particuliers. Mais il y a un mouvement qui se met en place. Ça, c'est des logos d'associations qui montrent des vrais projets. Donc Libertic et puis la FING, qui est une association nationale, Fédération Internet Nouvelle Génération, qui s'est depuis pas mal d'années, qui fait des expéditions en fait sur la prospective autour des changements de notre société autour du numérique, ou pas, mais souvent il y a du numérique. Et donc l'idée, c'est de former, après d'expérimenter, une fois que chacun a pu avoir un minimum de bagage et un savoir d'usage, expérimenter et puis développer des nouveaux services, des nouveaux usages, etc. Et après les valoriser. Donc soit ça devient du service public, soit ça devient une start-up, une entreprise qui va développer un nouveau modèle économique, etc. Et tout ça, en fait, on le fait ensemble. Rappelez-vous de la diapositive d'avant, où il y avait un rond avec l'administration, les citoyens et les élus. Donc, quelles données? En fait, des générateurs de données, on en est chez nous. Et puis, en fait, il y en a plein partout. Donc, il y a l'INSEE qui nous vient vite à l'esprit, c'est l'Institut national des statistiques. Il y a l'IGN, Institut géographique national, voilà, pour les cartos. Et puis, le géosciences, donc le BRGM, celui qui s'occupe du sous-sol et de la géologie. On a l'INRA, et puis, en fait, il y en a des tonnes, il y en a des milliers. Et puis, il ne faut pas aller si loin aussi, on en a chez nous. On a tout plus. Celui qui s'occupe de l'agglomération, on a fil vert, fil bleu, celui qui s'occupe des transports, c'est quand même un truc de notre quotidien, les transports, et en fait ça fait beaucoup de données. Donc peut-être que c'est quelque chose où on peut s'intéresser au fonctionnement de notre société sans rentrer dans des grandes dimensions très compliquées, en s'intéressant au remaniement par exemple des cheminements des bus. Et puis si c'est pas visible pour vous parce que vous êtes trop loin, mais en fait c'est parce que la liste elle est infinie, quoi. C'était pour parler des décisions politiques et juridiques, économique, santé publique, archives, fonds documentaires, les caisses de retraite, utilisation du territoire, environnemental, fonctionnement du réseau, occupation des flux, ressources, enfin, tourisme, culture, etc. D'ailleurs, ceux qui veulent faire des travaux sur l'open data et le tourisme, ce sera un sujet qu'on peut traiter. Vous pouvez vous rapprocher de moi dans l'année et puis on pourra monter des trucs super intéressants sur le territoire. Où les trouver? Où les trouver? En fait, c'est des portails. Donc là, je vous ai montré que data.gouv.fr, en fait, vous tapez Open Data, portail Open Data sur votre ami américain, et hop, il va vous en donner plein. Donc il y a une carte, je vais amener la carte de France, elle est un peu périmée, c'est mars 2013. Donc elle a un an, et déjà, il y a pas mal d'endroits où vous allez pouvoir en trouver de la data. Ça, c'est que de la data publique, hein. C'est de la donnée publique, donc Besançon, du Louvre. Clermont-Ferrand, Tours, on a un point rouge. Alors en fait, il n'y a pas la légende, mais point rouge, ça veut dire mouvement citoyen. Ça ne veut pas dire qu'il y a des données. Donc ici, on n'a pas de données. Et on commence à être entouré. Alors soit c'est les gentils, soit c'est les méchants, je ne sais pas, mais on est en train de se faire entourer. De toute façon, il faudra réagir, soit par la défense, soit par la collaboration avec eux. En tout cas, voilà, il faut bouger. Et que peut-on en faire de toutes ces données? Donc des mouvements citoyens, donc ça, c'est ceux qui ont un peu, qui sont intéressés par la politique. Nos députés.fr, nos sénateurs.fr, en fait, c'est plein de trucs faits à partir des données qui sortent de l'Assemblée nationale et du journal officiel. Après aussi, pour ceux qui ont des stations un peu plus grandes comme Paris, on a des trucs de vélo. Pourquoi je la montre celle-ci? Bah, c'est qu'ici, on pourrait dire que chez Rivoli, on est chez les gens aisés. À Rambuteau, c'est plutôt le peuple. Il y a des gens qui sortent. Et en fait, en vert, bleu, c'est l'occupation des stands pour les vélos, là où on dépose son vélo. Et en rouge, c'est la maintenance. Et donc, on pourrait aussi revenir sur une dimension sociale, stigmatiser un quartier. Ah ben oui, il y a vu à Rambuteau, on regarde toute la maintenance par rapport à Rivoli, ils sont bien plus soigneux avec leur vélo. Vous voyez, la donnée, en fait, ça peut être plein de choses, quoi. Donc, il va falloir aussi établir une culture de la donnée et puis finalement une culture du vivre ensemble. Pour, est-ce qu'on stigmatise toujours ou est-ce qu'on construit quelque chose et que la donnée elle ne sert pas à dénoncer, que à dénoncer quoi. Elle sert à pas du tout. OpenStreetMap, on le verra sûrement plein de fois aujourd'hui. Donc WeMap.org, c'est pour développer des services pour les personnes à mobilité réduite. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'entreprise qui a pu faire un modèle économique dessus. Donc ça, c'est à partir d'Open Data, dans le sens où on a accès au cadastre. Et du coup, on peut mettre tous les bâtiments. Et ce site, cet outil permet de saisir l'accessibilité, est-ce que c'est en dessous ou au-dessous de 7 cm pour l'accessibilité des bâtiments. Ça, c'est pas l'Open Data du tout, mais c'est les banques. Et en fait, BBVA est une banque espagnole, une force internationale. Elle vous dit tout sur vous, en fait, parce qu'elle connaît votre âge. Vous êtes étudiant, elle sait, etc. Elle sait tout cheminer dans votre tête, vous allez voir. Et donc après, vous allez au distributeur, vous allez acheter un truc et tout. Et en fait, ils vous montrent tout. Et ils vous disent, vous voulez savoir quelle tranche d'âge, à quelle heure, dans telle ville, ben, ils vous les sortent. Et puis plein d'autres choses. Est-ce qu'il a été acheté des chaussures de luxe, des chaussures de pauvre, est-ce qu'il a pris du discount et tout. Ils savent tout ça, en fait, parce qu'ils connaissent aussi les commerçants. Ils savent quel type de produits ils vendent. Donc eux, c'est juste une tuerie. Quand vous allez, si vous pouvez aller sur les trucs de BPA et voir les études qu'ils ont faites, mais tout. Mais vous arrêtez de lire le journal avec on nous assassine sur la NSA qui nous écoute. Sur des espions, il y en a toujours eu. Donc, aujourd'hui, ils ont des téléphones portables, mais ça ne change pas grand-chose. Là, il faudrait s'intéresser un peu plus loin quoi, à la donnée. Et donc, les banques, c'est juste énorme. Tout ce qu'ils savent, j'ai vraiment raccourci, j'ai des super faces. Après, donc, revenons mettre nos données. Donc là, je suis sorti de l'open data, mais on est dans la data. Nous, on est générateurs de données. Donc, les infos, c'est un projet de la FIG, Fédération Internationale de Génération, que je vous conseille d'aller visiter parce que c'est pour transformer. En fait, le fait qu'aujourd'hui on pleure parce qu'Auchan ou Carrefour a des données sur nous et nous on n'a rien, en fait, là, l'idée c'est de reprendre nous les données et de décider à qui on les donne. Voilà, c'est un projet qui est. Et il commence à y avoir les ISP, Général, Google, voilà. tout ça. Et voilà. Et j'ai fini et je remercie tous ces gens-là. Donc, Liberty, l'association, Simon Chignard, qui est l'auteur d'un livre sur l'open data en français, pour le fond américain, c'est lui, Simon Chignard. Daffing, Regard Citoyen là, pour le travail sur l'Assemblée nationale. Culture Libre, Création Collective, c'est une association pour Angèle qui permet d'aller à plein d'endroits, faire plein de choses. Et puis Creative Commons qui permet, en fait, qui ont travaillé juridiquement pour faire des licences pour le partage avec des fonctions différentes qui sont très faciles à lire et qui va permettre de partager nos informations. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être donner tout de suite la parole pendant 6 minutes ou 2 à Dominique Andrieux qui. D'accord, donc il va plutôt nous aborder la question donc, des données publiques, mais plutôt sous l'angle de la recherche. Et plus précisément, voilà. L'information géographique. Et l'information géographique. Ouais. Okay. Du coup, si vous avez besoin de brancher. Oui. Ah, monsieur, vous voulez que j'entende, pas de problème, ça fera une très bonne proposition. Vous avez vu passer au OpenStreetMap, des choses vachement sympas, ça tombe bien, et je savais bien que. La petite présentation initiale, je vais pouvoir chanter la moitié de mes diapos. Parce que moi, basiquement, j'étais parti sur définition, des machins, préambule. C'est assez conventionnel, quelque part, le chercheur. Donc on va partir, si ça veut bien. Alors, a été évoqué Inspire. Donc l'open data effectivement est un mouvement qui est traduit en droit français, qui est à l'initiative, qui est aussi à l'origine il y a une directive européenne. Et pour ce qui concerne l'information géographique, je vais essayer de cacher ça. Pour ce qui concerne l'information géographique, il y a une directive qui s'appelle INSPIRE, inspirée cartographiée, qui est une directive qui date de 2008, qui a été traduite en droit français. Et qu'a-t-elle de merveilleux, cette directive? Eh bien, tout ce que Cyril vient de dire à propos de la donnée de toutes sortes, INSPIRE se focalise sur l'information géographique. Alors, initialement, INSPIRE a été traduit dans le code de l'environnement. Donc, initialement, était prévu plutôt l'information géographique liée au règlement du sol, liée à l'environnement. Donc, c'est toutes les zones de règlement concernant la protection de l'environnement. Et on s'est vite aperçu que l'information géographique Il y en avait aussi d'ordre économique, social, politique. Et donc, du coup, le but de la directive Inspire, c'est de faire remonter toutes les données qui sont enfermées dans les tiroirs que nous, en tant que cartographes, il y a 20 ans, il y a même 10 ans, on était soumis à ces tiroirs, à aller voir les gens qui avaient la donnée. Vous ne vouliez pas, vous ne voudriez pas passer vos données, elles m'intéressent, vos données. Et il fallait signer des conventions, faire des bons de commande, prévoir des budgets. C'était très lourd, il fallait avoir un fort pouvoir d'anticipation. Et grâce à Inspire, où maintenant tout est à disposition, c'est merveilleux. Les conseillers régionaux se sont emparés du problème et servent de point central auprès des différents services déconcentrés de l'État, des différents services publics pour accumuler l'information géographique au niveau des régions, puis au niveau national par le biais du géoportail. Donc vous voyez ici un tout petit extrait. Voilà. Alors, sur la région centre, la plateforme qui s'occupe de cette recension d'informations géographiques s'appelle Géocentre. Et là, vous avez le logo de la directive Inspire. Donc, comme j'ai chanté la moitié de mes diapos, du coup, c'était la conclusion de la première partie, où je faisais un petit flashback sur la carto. Il y a 20 ans, on taillait au rotring nos cartes, et aujourd'hui, on est sous l'ère de la directive Inspire, qui nous donne accès, sans nécessité d'aller voir les fournisseurs d'accès, qui nous donne accès directement à nos bureaux, à l'information géographique. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à il y a 10 ans. Et même par rapport il n'y a pas si longtemps, il y a même 4 ans, moins de 4 ans, où alors là ça a été le rêve et c'est vraiment, nous vivons une époque vraiment formidable, où l'IGN nous a permis d'accéder à de l'information par téléchargement. Alors là, je plane. Donc, les spécialistes, effectivement, on est quand même dans un monde de spécialistes, de géomaticiens, de cartographes. Les spécialistes communiquent entre eux, enfin, et les données sont à la portée des spécialistes et des citoyens aussi. Parce que malgré tout, les géoportails sont tout à fait consultables par les citoyens. Ensuite, l'accessibilité de la donnée en tant que telle aux citoyens, effectivement, il faut nécessiter d'aller signer des chartes, etc. Mais moi, là où je pose un bémol, c'est que cette ouverture générale de l'information géographique peut poser un certain nombre de questions sur l'expertise. Qui détient l'expertise? À donner accès à l'information à tout le monde, est-ce que tout le monde a la possibilité de valider, de légitimer, d'étalonner la qualité de la donnée? Deux exemples que je reprends très souvent pour mes cours, mais qui me font... que j'adore. Par exemple, vous avez le plan de Monet. Alors, c'est des vieux exemples, mais je vous en montrerai d'autres sur OpenStreetMap, justement. Par exemple, à l'époque des logiciels de dessin dans les années 90, quand ça a commencé à s'ouvrir, tout le monde pouvait faire du dessin. Et donc, tout le monde pouvait faire de la cartographie. Et donc, des imprimeurs, des illustrateurs commençaient à faire de la carte. Vous connaissez Monet ? Vous prenez l'autoroute à 10, vous foncez sur l'autoroute à 10, vous filez là, et puis vous vous dites, tiens, je vais tourner à droite, là, pouf, je sors à Monet. Et bien, ce plan-là vous donne la possibilité de tourner à droite pour sortir de l'autoroute. Dans la pratique, sur le terrain, avec votre petite voiture, c'est impossible. Ben voilà, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas la maîtrise de l'espace et de sa représentation, on arrive à des curiosités de ce genre. Il y en a une autre qui est remarquable aussi, c'est celle-ci, où mon petit carton de localisation, tout simple, tout bête, mais fait par un graphicien. Là, vous avez Montpellier, Nîmes, 80 km. Montpellier-Nîmes, vous vous dites, la mer. Oh, ben la mer, elle est en marron, là. Ouais, mais si vous regardez le fond topographique qu'il y a dessous, la Mondoie, vous le suivez, ça, c'est la Loire. Là, vous avez Orléans. En dessous, vous avez Tours, pardon. Donc ça, là, ça représente 120 km, alors que ça... Le réseau ici représente 80 km. Remarquable. Il y a un décalage et une discordance dans la projection, dans l'échelle, qui est remarquable. Donc ce sont des cas d'école. Si on n'a pas cette culture-là, si on n'a pas cette expertise dans la représentation spatiale, que fait-on? Comment je juge de la validité, de la légitimité de l'information? Donc ça, c'est des problématiques qui remontent à une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, on a quand même d'autres cas qui sont quand même beaucoup plus sympas. Là, j'ai mis par exemple le portail de Géobretagne. Géobretagne, c'est comme Géosens, c'est en Bretagne. Et alors, il y a des choses formidables hein, sur Géobretagne. Vous avez un espèce de visualiseur en parallèle avec la photo début 21e siècle et la photo 1950. Géographiquement, en termes de recherche, c'est remarquable. Là, vous avez des trucs très spécialisés. Ça, c'est issu d'un portail de recherche donc propre au SHS qui s'appelle Cargo, où vous avez par exemple accessibilité au maillage des diocèses du 18e. Ça peut intéresser des gens. Le potentiel de client est très étroit, mais malgré tout, c'est remarquable ce cloisonnement et nous intéresse. Alors qu'auparavant, il fallait se poser la question de savoir où ça existait. Savoir où ça existait, maintenant on a des moteurs de recherche, mais les moteurs de recherche, l'expertise, il va falloir évaluer ce qu'on appelle les métadonnées. C'est-à-dire que vos informations, pour qu'elles soient visibles, eh bien on remplit des données sur la donnée. C'est-à-dire qu'on la décrit, c'est difficile à voir, on décrit l'échelle, on décrit des thématiques, des catégories, des formes de représentation. Alors, il faut lire vecteur, raster, et puis ici, c'est des tables de texte, etc. Donc, en fonction de ces différentes catégories d'informations, je vais pouvoir... j'ai besoin d'une cartographie ou un millionième. Donc, je vais cliquer sur cette sélection. Hein, si je mets dans ma recherche occupation du sol sur tour, j'obtiens 336 fiches sur le géocatalogue. Donc tout ça, il va falloir, dans ce foisonnement d'informations, trouver la bonne, ce qui n'est pas forcément très aisé. Et une fois qu'on a trouvé, eh bien, vous êtes content, on est au premier niveau basique de la démocratisation de l'information. C'est-à-dire que je mets à disposition, à vous tous, auprès de vous tous, mon information. Maintenant, comme je viens de le dire, il faut savoir juger de tout ça. Alors, certains auteurs, certains chercheurs disent que c'est le début du déclin de la cartographie. Je laisse à ceux qui... Moi, ça m'interpelle, parce qu'effectivement, dans la pratique, ça peut se vérifier. On peut en reparler. Bon, s'il y a des cas, c'est demain. Enfin, c'est étonnant, parce que la donnée géographique, comme dit Douchin, qui est c'est un monsieur d'une société Trois-Lises, voilà, qui avait écrit dans une feuille, dans un petit journal de système d'information géographique, la carto c'est facile, c'est sexy et facilement compréhensible. Donc du coup tout le monde en met. Alors si tout le monde en met, c'est que la carto fait rêver quelque part. Ben, il faut le croire parce que maintenant, plus que l'information et la mise à disposition, on arrive au crowdsourcing. Si je veux la prononcer à l'anglaise, qu'est-ce que c'est que le crowdsourcing? Alors, si on... textuellement, hein, parce que je ne vous referai pas la traduction de l'anglicisme qui est vraiment infernal, ce qui ne veut rien dire, je ne m'en souviens pas, foule, source d'origine. Ça veut dire que c'est vraiment la foule qui va référencer la donnée et la faire remonter, dans des bases de données. C'est vraiment un niveau de démocratisation où le partage d'un objet, ici la carte, le partage d'un objet est construit de façon commune. Et ce crowdsourcing, c'est typiquement le projet OpenStreetMap. Alors il y en a d'autres, et je pense notamment celui que vous nous présenterez tout à l'heure, je pense que ça émane du même processus, où ce que l'on voit dans la réalité, finalement, est construit par tous les utilisateurs d'OpenStreetMap et implémente les bases de données dans OpenStreetMap. On emploie aussi le terme de crowdmap, fait par des fourmis mappeuses. Alors, j'ai trouvé le terme dans OpenStreetMap, j'adore le terme. Les fourmis mappeuses. Confirme, c'est sûr. Hein, c'est remarquable. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais vous raconter la fable du rat et des fourmis mappeuses. Le rat de bibliothèque, de cartothèque, qui était un peu moins il y a 20 ans, puis les fourmis mappeuses aujourd'hui avec OpenStreetMap. Mais OpenStreetMap, c'est quand même un peu... Il y, y, y, y a un petit bémol que je mettrais moi en termes de géographe. Quand vous prenez, j'ai pris n'importe quel, j'ai fait un cas de n'importe quel. Donc j'ai été téléchargé dans la géofabrique les données, je les ai affichées dans mon petit logiciel, et qu'est-ce que je vois? Oh, Nilocar. Ah ben dis donc, elle est inondée, Nilocar, il y a de l'eau au milieu là. C'est bête, c'est pas terrible. Donc la superposition n'est pas géniale, et l'harmonisation, comme on dit en cartographie, vous avez de temps en temps des informations qui sont super, super découpées à la serpe, et puis de temps en temps, vous en avez certaines qui sont très très détaillées. Donc la qualité n'est pas très harmonisée. La forme graphique n'est pas très harmonisée. Alors que quand on regarde le visualiseur, et ça je vous invite à le faire, vous avez l'ILOCAR. Alors c'est difficile à voir, mais vous n'avez plus de forêt, mais vous n'avez plus d'île du tout. Mais par contre, vous avez bien les services des eaux de la ville de Tours qui est au milieu de l'ILOCAR. Et vous avez de l'eau tout autour. Donc il y a des petites erreurs auxquelles il faut faire gaffe. C'est dommage quand même. D'autres styles. À une échelle de l'agglomération, puisqu'on est dans l'agglomération, pareil, j'ai téléchargé la donnée, je projette ma zone urbaine. Vous la voyez, la zone urbaine? Il n'y a rien qui vous choque. Bah, oui, allez-y. C'est pas marron d'habitude, non? Peu importe la couleur, j'aurais pu la mettre en vert. La densité, mais elle s'est passée ou elle est complètement... Non, là il manque un gros machin. Il manque Chambré-Saint-Avertin ici. Là, j'ai hurlé. Merci. Donc, dans cette forme, donc la tâche urbaine de Tours, à cette échelle-là, vous avez tout. Voilà. Mais il vous manque, vous avez Chambré-Sud ici, mais il vous manque tout Saint-Avertin et Chambré. Donc, ça surprend quand même, hein, quand on a l'habitude. Alors, certes, je suis un peu déformé, mais. Ne serait-ce que. Comment ? Il manque Rochecorbon par ses chansons. Eh bien, Rochecorbon, il part là. Hein. Ils sont un peu perdus dans les vignes que je représentais, mais il manque aussi la ville aux dames aussi. Et voilà. Par ses. Ah ben, par ses mêlées, c'est ça, par ses mêlées. Voilà. Donc, quand on a un peu la pratique du territoire, avec des questions très simples, je suis mon droit. Ah ben tiens, je suis dans les champs. Ben non, je ne suis pas dans les champs. Alors que sur le visualiseur classique que vous pouvez aller consulter, là, le problème est, on ne voit rien, mais je vous rassure, le visualiseur donne quelque chose de tout à fait juste. Et par ailleurs, les données sont extrêmement remarquables. Et le grand pouvoir et la grande puissance d'OpenStreetMap, c'est la réactivité des fourmis mappées. Un des grands emblèmes d'OpenStreetMap, c'est le projet HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team, qui réagit avec une réactivité qui sent comme une mesure jusqu'alors. Dès qu'il y a un tremblement de terre, une catastrophe, on cartographie pour assurer l'arrivée de l'aide humanitaire. Donc ce projet, c'est remarquable. Avec un service classique de fournisseur d'informations géographiques type IGN, vous ne pouvez pas obtenir une telle réactivité. Pareil, plus basiquement, le cycle de mise à jour des données sur OpenStreetMap, dès qu'il y a un truc de nouveau, ça y est, vous avez les fourmis mappeuses qui vont aller vous cartographier eh bien, le périph. Le périph, ça fait quand même 2 ans qu'il y est. Ben, sur certaines couvertures, il est toujours en pointillé. Donc, on voit bien la lourdeur du système économique dans lequel est ancré un éditeur classique type IGN, Michelin, ou même Rectafoldex, tous ces éditeurs ont des cycles de mise à jour qui sont beaucoup plus longs potentiellement. La grande réactivité, la grande force aussi d'OpenStreetMap, c'est de proposer des projets qui sont absolument pas rentables du point de vue commercial. Aller proposer à Michelin de cartographier tous les panneaux publicitaires, alors Lise Mobilité, c'est celui-là qui... C'est ce projet qui semble être en cours sur l'accessibilité handicapée des domaines publics, hein, rues, bâtiments, etc. Donc il y a une légende qui est grande, plus grande que ça, et c'est vraiment très précis. A priori, c'est pas commencé. Mais ce genre d'information, un service commercial ne peut absolument pas s'en charger, parce que c'est pas rentable. C'est là encore la grande force du crowdsourcing. Donc après 20 ans de cartographie, les données deviennent de moins en moins coûteuses, voire ne coûtent plus rien du tout. Et le grand, là où on peut faire de l'argent, si je vends mes données et que j'en tire aucun bénéfice, là où je vais faire de bénéfice, c'est en faisant des applications. La vraie valeur ajoutée, c'est le service et les applications que vous pouvez tirer de ces données. Et alors là, vous en avez un qui est très fort en ce domaine. Vous ne l'avez pas cité, je me permets de le citer parce que ça fait gloser dans toute la sphère de la géomatique et de la cartographie. C'est Google Maps. La prochaine étape de l'open data, enfin, le truc qui va dépasser l'open data que vous avez un peu mentionné, effectivement, avec cette banque espagnole, bah Google Maps le fait aussi, avec vos informations, téléphone, géolocalisable, vos comptes, partie qui lisent vos mails, qui regardent vos cookies, et bien là, du coup, il va pouvoir vous cartographier votre carte. Vous localisez les derniers trucs que vous avez demandé sur votre navigateur. C'est les fameuses panneaux publicitaires. Vous avez sur votre navigateur, vous avez bien remarqué que quand vous avez acheté un bouquin, pendant 3-4 jours, vous avez toujours les mêmes publicités de bouquins qui vous suivent derrière comme un chien vous suivant à la trace. La carto va être ça. La carto, c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'ils vont visualiser les informations qui vous sont propres. Ça veut dire que toutes les informations vont tourner autour de vous. Ça veut dire que l'espace est balisé, sans hasard, sans découverte possible, alors que la carte à l'origine, c'est quand même l'outil de la découverte, l'outil qui a été le vecteur de l'acquisition, enfin de la territorialisation des sociétés. Donc on en vient, pour les détracteurs les plus chevronnés, à un enfermement numérique, comme il existe des gated communities, il y a eu un café géo sur ce thème-là aussi. Il y aurait des gated communities numériques. Voilà. J'ai fait. Merci beaucoup d'avoir respecté effectivement le temps. Et très bonne transition, je trouve, avec Google Maps, puisque ça touche aussi la question des libertés individuelles. Et je pense que d'un dernier intervenant va avoir justement l'occasion de. Je ne sais pas si peut-être pas forcément de revenir sur Google Maps, en tout cas, de cette question des libertés. Qui est aussi un des enjeux des données publiques. Ouais, je vais pas traiter de la liberté individuelle en tant que telle. Moi, c'est pas un sujet qui me passionne. Je préfère le sujet de la surveillance. Le projet sous surveillance est né pour une dénonciation globale des systèmes de surveillance. Pour l'instant, c'est limite à la vidéosurveillance. Mais les personnes qui le font vivre sont intéressées par des thématiques beaucoup plus larges et sont du coup assez méfiants de cette société de données dont nous parlait tout à l'heure Cyril, c'est ça? Ouais. Et on n'est pas forcément convaincu que l'enjeu ce soit de développer une culture du chiffre pour s'adapter à la société numérique, mais plutôt de dénoncer ce qu'elle implique en termes notamment de surveillance. Donc le sous-surveillance, c'est né à Lyon pour l'anniversaire du lancement de la vidéosurveillance par le maire socialiste de la ville, Gérard Collomb. Et ça a été progressivement nourri par alors c'est pas des formimappeuses, je ne crois pas qu'un seul des contributeurs se qualifierait de formimappeuse, mais en fait par par un collectif de militants qui est allé référencer les caméras qui sont situées dans la ville de Lyon avec une interface ouverte qui permet à n'importe quelle personne de s'inscrire sur le site et de cartographier la caméra qui est située à côté de chez elle, celle qui la regarde quand elle sort le matin. Sur surveillance, on a eu des contributions d'un habitant de Tournord qui en avait ras-le-bol de toutes ces caméras autour de la médiathèque et qui nous a envoyé des photos, la localisation exacte, etc. On ne sait absolument pas comment il est entré, comment il a découvert le collectif, mais il a naturellement envoyé tout ça. Et c'était vraiment des enjeux de ce projet, c'était que les gens puissent se saisir de l'outil et en voyant l'ampleur des représentations de caméras sur une carte de leur ville, puisse voir voilà, ce que ça donne un peu que la surveillance aujourd'hui dans nos villes. Donc ça, c'est la ville de Lyon, ça ne vous parlera peut-être pas forcément beaucoup, mais c'est l'une des villes les mieux cartographiées aujourd'hui, puisque c'est l'une de celles où le projet est le plus vieux. Aujourd'hui, sous surveillance, ça se développe à Moscou, ça se développe à Minsk, à Seattle, sur la côte est des États-Unis aussi, en Amérique du Sud, et dans un nombre assez important de villes de France. À Tours, donc ce qui est intéressant quand on voit cette cartographie, c'est notamment que l'un des quartiers les plus fliqués, c'est celui dans lequel on se trouve. Voilà. C'est le quartier du Sanitas, avec l'une des concentrations les plus élevées de caméras publiques à Tours. Cela dit, pas forcément besoin d'une cartographie collaborative pour deviner que les quartiers populaires sont les plus surveillés. C'est pas une donnée qu'on découvre grâce à la cartographie. Il faut savoir qu'on a fait le choix de cartographier à la fois les caméras publiques et privées, parce que en cas d'événement, les pouvoirs publics peuvent demander à avoir accès aux images de vidéosurveillance enregistrées par des opérateurs privés. Ça a été le cas notamment quand il y a eu ce meurtre dans le Vieux-Tours il y a quelques mois maintenant. C'est la caméra qui était à l'intérieur du Carrefour Market qui a filmé l'assassinat. Donc vous passez dans le Carrefour Market et vous êtes filmé. La plupart des commerces, qui n'ont a priori pas le droit de filmer la voie publique, de fait la filment. Là, il faut savoir que la carte à Tours, elle n'est pas à jour parce qu'il y a 200 nouvelles caméras qui ont été installées au moment du déploiement du tram et que cartographier 200 caméras, ça prend du temps. Si certains d'entre vous veulent s'inscrire pour s'amuser à le cartographier, il faut savoir que si je mets la carte du Sanitas, attendez, j'arrive dessus. Voilà, avec l'arrivée du tram, je peux déjà vous dire qu'il y a une nouvelle caméra qui est à peu près ici. Je l'ai vue en arrivant. Voilà, mais entre chez moi et ici, j'ai dû être filmé 4 ou 5 fois par les caméras, à la fois du tram et les caméras de la mairie de Tours. L'enjeu de la donnée ouverte. Dans cette dimension-là, nous, on a pu constater qu'elle n'était pas forcément très pertinente. La donnée ouverte, c'est, ou même l'opposabilité, toutes les demandes qui peuvent être faites au pouvoir public en matière de données, ont souvent un intérêt. Là, nous, on a constaté avec ce projet que ça avait un intérêt assez limité. On a fait une demande auprès de la préfecture pour avoir les autorisations d'installation de caméras. Ces dernières années, on a obtenu une base de données qui, pour un collectif qui ne compte aucun spécialiste de ces questions, des données complètement inexploitables. Donc c'est bien d'avoir de la donnée, c'est bien d'avoir un portail gouvernemental qui vous donne de la donnée. Si vous n'avez pas les ressources scientifiques, le temps, etc. pour exploiter cette donnée, elle vous est complètement inutile. Ça fait très plaisir aux journalistes qui peuvent faire du data journalisme et faire des belles infographies avec les données qu'on leur ouvre. Ça fait plaisir aux libristes, donc tous ces militants du libre et de la transparence des données. Mais d'un point de vue appropriation par la population, moi il me semble, d'après mon expérience militante, qu'elle est nulle. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un dans cette salle, à part toi, et moi j'y étais déjà allé aussi, c'est déjà connecté au site nosdéputés.fr. Voilà, deux personnes sur une assemblée de 80 personnes, trois peut-être. C'est très très limité, d'autant qu'on a quand même un public qui a priori est assez intéressé par les sujets de société ici. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a plein de données qui sont disponibles sur nosdéputés.fr. Est-ce que les gens s'en saisissent et est-ce que ça leur permet vraiment de se réapproprier les enjeux de pouvoir qui existent aujourd'hui? J'en suis franchement pas convaincu du tout. Le, le, Il y a vraiment, je pense, une rupture entre ceux qui veulent s'approprier quelque chose comme une carte de caméra pour dénoncer la vidéosurveillance et ceux qui vont être dans l'enjeu de la donnée, en fait. C'est quelque chose qu'on voit se développer beaucoup dans les milieux hackers. C'est l'enjeu de la donnée pour la donnée, sans forcément derrière qu'il y ait un discours politique de la donnée. Qu'est-ce que c'est que cette donnée? Qu'est-ce qu'elle produit comme surveillance, comme connaissance de nos modes de vie, nos habitudes? Et c'est vraiment extrêmement problématique quand, comme le dit M. Andrieux, on va pouvoir ensuite générer une forme d'enfermement numérique où chacun va être cloisonné dans son monde, sa réalité numérique en fonction de ses habitudes. Quand on a c'est assez intéressant parce que donc, l'intervenant précédent a parlé d'enfermement numérique. Et le premier intervenant a parlé, lui, au contraire, de recréer du lien. Et on est vraiment dans un récit de la donnée, d'un côté, qui est un enjeu de démocratisation et quelque chose d'assez utopique, à mon avis, dans le bon sens du terme, qui est positif, et une réalité d'utilisation des données aujourd'hui, et pas seulement cartographique, qui produit un enfermement et qui produit encore davantage de surveillance. C'est un enjeu qui est, à mon avis, assez important. Moi, je pense que c'est aussi aux gens de s'intéresser à comment on traite la donnée, parce qu'on va prendre un autre exemple, comment fonctionne un ordinateur. Il y a pas mal de gens qui n'ont rien à cirer. Après, quand on leur parle de la NSA, ils disent « Oh là là, c'est mal », ils ne peuvent pas chercher à comprendre comment ça marche, comment se défendre avec ça. C'est pareil que pour traiter avec des données. Tu as une API, il faut que tu apprennes à t'en servir. C'est aussi aux gens à s'investir là-dedans pour débrouiller avec. Oui, mais alors, à mon avis, il y a un nombre limité de sujets auxquels tu peux t'intéresser avant de faire une espèce d'overdose de connaissances. Mmh. Et tu n'as pas le temps, humainement, de t'intéresser au fonctionnement de ton ordinateur, aux données de la préfecture sur les caméras de surveillance que tu as demandées, à tel autre enjeu qui te touche, tu ne peux pas. Et l'une des grandes réponses des hackers, quand il y a eu les révélations de Snowden, sur l'ampleur des données qui étaient surveillées par la NSA, ça a été de dire, on vous le dit depuis des années, regardez, nous on est des petits malins et on a développé des super outils pour s'en protéger. D'ailleurs, vous devriez tous utiliser Tor. Oui, on a appris hier ou avant-hier que le FBI avait... Donc Tor, c'est voilà, mais c'est un système qui permet a priori d'avoir une utilisation anonyme d'Internet. Dans le cadre d'une de ces enquêtes, le FBI a mis la main sur l'intégralité de la base mail de Tor qui était utilisable pour, a priori, envoyer et recevoir des emails anonymement. Tout est entre les mains du FBI et les hackers qui, jusqu'à deux jours, allaient fiers avec leur utilisation de Tor, ils s'en mordent un peu les doigts. Voilà. Donc il y a une limite à ce qu'on peut connaître et contrôler, et même en mettant... C'est pour ça que les hackerspace, par exemple, partage des connaissances. Il y a plusieurs gens qui vont, deux personnes qui vont se mettre ensemble pour partager plusieurs connaissances pour arriver à faire quelque chose avec ça. Mais alors ensuite, on peut parler des hackerspace. Moi, j'ai un problème avec les hackerspace, la culture hacker que j'ai croisée en tout cas. Il y a des hackers très bien et j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Il y en a beaucoup que j'ai croisés qui, comme je le disais tout à l'heure, sont dans une culture du partage, de la transparence pour le partage et la transparence sans discours politique derrière. Et on a eu ce débat au sein du collectif, on en discutera tous les deux si tu veux après, mais on a eu ce débat au sein du collectif sous surveillance qui au départ a été mis au point par des militants libertaires avec quelques connaissances informatiques suffisantes pour faire tourner un truc fonctionnel et joli. Qui se sont rapprochés parce qu'ils connaissaient cet intérêt des hackers pour la donnée, ils se sont rapprochés de hackerspace, notamment parisiens. Ça a généré ensuite des débats qui n'auraient jamais eu lieu au sein d'un collectif militant, de les militants libertaires, parce que les hackers expliquaient que ce qui était intéressant, c'était la donnée. Et ça a généré un débat sur, mais est-ce que finalement il faut dire qu'on est contre la vidéosurveillance? Et est-ce que c'est vraiment ce message-là qu'on veut faire passer? Est-ce qu'on ne veut pas juste cartographier toutes les caméras? Les types qui avaient lancé le projet, leur but, se foutent de cartographier toutes les caméras possibles et imaginables. Ils veulent sensibiliser la population à l'ampleur de la surveillance qui est en train de se mettre en place dans la plupart des communes de France, et le fait qu'on ne peut plus aujourd'hui se balader dans un certain nombre de villes, en tout cas dans les centres-villes des municipalités françaises, sans être filmé. Il faut savoir que les caméras du tram, il y en a notamment à jouer les tours. Il y a quelques mois maintenant, il y a eu un mouvement assez fort au sein de l'usine Michelin pour protester contre le plan de licenciement qui était mis en place par la direction du groupe. Il y a eu notamment une manifestation dans le centre-ville de Jouy avec un blocage du tram. Il est à peu près certain que les visages des manifestants qui étaient présents ce jour-là et ont bloqué le passage du tram ont été filmés et sont donc identifiables. Dans un contexte où l'action syndicale est de plus en plus criminalisée, on peut très bien imaginer derrière que l'exploitation des caméras permette de sanctionner pénalement des militants syndicaux qui revendiquent contre les licenciements dont ils sont victimes. Bon, l'enjeu pour nous, il est là. Il n'est pas dans la donnée, la cartographie pour cartographier. C'est l'interprétation. C'est l'interprétation qu'on en fait. C'est quel combat on mène, quelle société on veut. Bon, la donnée comme élément de la donnée ouverte comme outil de transparence, de démocratie, etc. Ça reste quelque chose qui, pour moi, est illusoire si on ne met pas le doigt sur les vrais enjeux. Et autre exemple local sur ce que c'est que la transparence, sans rentrer dans les outils comme le portail de données du gouvernement ou ce genre de gadgets. Récemment, il y a de nouvelles caméras, l'installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance a été décidée à Jouy les Tours par le conseil municipal. Ça a notamment été relayé par l'ANR. Et la Nouvelle République, donc, ne mentionne pas dans son article quels sont les élus qui ont voté pour ou contre le projet. Pourtant, on peut imaginer que c'est quand même la transparence, la donnée de base, la donnée qui n'a pas besoin d'être extrêmement analysée, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences de cartographe ou que sais-je pour l'analyser. Ce n'était pas dans l'article de l'ANR, donc je suis allé voir le compte-rendu du conseil municipal. Eh bien, ça n'apparaît pas non plus. Vous avez le nombre de votes pour, le nombre de votes contre, le nombre d'abstentions. Vous ne savez absolument pas quels élus ont voté pour ou contre l'installation des caméras et à quel groupe politique ils apparaissent. Donc, les comptes rendus de conseils municipaux, ça existe quand même depuis beaucoup plus longtemps que les ordinateurs avec lesquels on peut faire joujou pour récupérer les données. On n'a pas cet élément-là qui est pour le coup un élément de transparence de base. Donc, militer pour la donnée ouverte et mettre l'accent sur l'importance de pouvoir croiser des données pour derrière se réapproprier l'espace public, etc., ça me paraît très illusoire quand on ne peut même pas demander des comptes à son conseiller municipal sur l'installation d'une caméra de vidéosurveillance devant chez soi. Voilà, je ne sais pas où j'en suis, mais autant. D'accord, donc merci à nos trois intervenants. À présent, donc, on va garder un petit temps jusqu'à on va garder 40 minutes. On a 40 minutes devant nous, en gros, pour que vous puissiez réagir et qu'on puisse échanger tous ensemble. Et puis après, à 22h30, on aura, pour ceux qui voudront rester, on aura une petite collation qu'on propose à la fin de chaque café, à la fin de chaque café Géo. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un a envie de réagir. Oui, moi, je voudrais réagir à ce que tu viens de dire. Que je suis aussi très sensible à l'espèce de viol de la liberté qui est justement la vidéosurveillance ou la surveillance des individus par toutes ces données-là. Et il y a quand même un organisme qui s'appelle le CNIL en France. Est-ce qu'il y a des organismes sur lesquels on peut se rabattre ou est-ce qu'il y a des débats au niveau politique qui sont menés sur justement le respect de la liberté individuelle par rapport à la façon dont on est pris dans les mailles dans lesquelles on ne peut pas agir, quoi. Enfin, alors, je veux bien répondre. La CNIL a des pouvoirs absolument ridicules. Elle est censée avoir des pouvoirs relativement importants. Les gouvernements successifs se foutent complètement des avis que la CNIL peut rendre sur les projets de loi qui sont de sa compétence. Donc, CNIL, c'est Commission nationale informatique et liberté, qui est censé protéger justement les libertés des citoyens dans les domaines de l'informatique. Et vu l'ampleur qu'a pris l'informatique dans nos vies, les effectifs de la CNIL sont ridicules, leur pouvoir de contrôle, enfin, ces pouvoirs de contrôle sont absolument ridicules, et malheureusement, il n'y a aucune volonté politique de renforcer cet organisme qui, a priori, est le plus à même d'apporter une opinion compétente sur les atteintes aux libertés que génèrent les nouveaux projets de loi ou même ce que peuvent engager des entreprises en termes de collecte de données, etc. Par rapport aux données sur les sols agricoles, les sols en général, les données sur les climats ou d'autres types de données. Donc pour moi, tous les jours, c'est une vraie bataille, déjà au niveau de la recherche, de dire on a besoin de partager nos données, déjà entre chercheurs. Donc, je pense que les discours des CIRI, c'est tout à fait valable encore sur on ouvre l'accès aux données. Après, je voulais parler aussi de OpenStreetMap. Donc, moi, j'utilise aussi les données OpenStreetMap parce que donc moi, j'ai accès aux données IGN, comme tous les chercheurs, mais j'utilise aussi les données OpenStreetMap parce qu'il y a quand même des précisions que l'IGN ne donne pas, comme par exemple la largeur de route ou d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, bien sûr, il y a du travail à faire, mais d'autant plus, participons à ce projet. Donc, enrichissons-le des données. Et après, je voulais parler aussi... donc l'accès aux données, de l'ouverture. Donc, en fait, on te disait que, en fait, ils t'ont fourni des données que tu n'étais pas capable d'exploiter. Donc, je pense qu'il y a un passage quand même qu'on n'a pas abordé qu'il faut faire. Donc, moi, j'utilise souvent data.gov.fr, donc c'est la base de données du gouvernement avec les données libres. Et pour moi, c'est fondamental cette base. Et moi, je suis hyper contente aussi qu'il y a des gens qui sont l'interface entre qui produit la donnée et moi qui l'exploite. Donc moi, je n'ai pas besoin d'avoir toutes leurs données. Il y a même des secrets statistiques. Moi, je n'ai pas intérêt à avoir accès à tout. Donc il y a des gens qui bossent pour retraiter les données et pour me fournir des données que moi, je peux exploiter, et je n'ai pas du tout d'informations précises sur les noms des agriculteurs qui cultivent un certain type de légumes ou sur... combien ils gagnent, des trucs comme ça. Donc je pense que c'est fondamental aussi de parler de ça, parce qu'on parle d'ouvrir les données. Moi, je pense que c'est bien, et je pense qu'il faut le faire à certaines conditions. Mais je pense que c'est tout à fait... Je défends tout à fait ce point. Après, il faut le mettre en place, il faut l'organiser. Mais pas pour ça, il faut dire, hein, non, on ne peut pas donner des données parce que c'est des informations personnelles. Oui, mais on peut la retransformer, la donnée. Pour répondre, si je peux me permettre, dégradation des sols. Alors effectivement, de fait, j'ai été un petit peu, peut-être, paru un petit peu angélique, chouette, super, le monde des bisounours. Effectivement, il y a certains domaines qui sont assez verrouillés, assez difficiles d'accès. La météo en fait partie. J'ai encore discuté avec des collègues de l'INRA pour aller fixer les données météo dont on avait besoin pour un projet. C'est assez lourd, et là on est revenu 15 ans en arrière pour la météo. Pour les sols, c'est pareil, pour en avoir traité, et notamment sur les anthroposols par exemple, il n'y a aucune donnée qui soit suffisamment précise. Effectivement, les petites fourmis macpeuses ne savent pas manier la terrière et ne savent pas interpréter le sol, ça a sa limite, hein. Mais de fait, tout n'est pas ouvert. J'entends bien, tout n'est pas ouvert. Mais par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce que je connais de l'avant, c'est franchement remarquable. Alors OpenStreetMap, je suis entièrement d'accord que les données sont plus précises. C'est un des points pas insister trop, mais je suis tout à fait d'accord que les données sont largement plus précises. Je mettrais peut-être un petit bémol sur du coup l'exhaustivité. Est-ce que vraiment toutes les rues sont renseignées en termes de, voilà, de largeur, etc. Sur l'exhaustivité, il faut voir. Hein. Et sur la structuration de la donnée aussi, bon, voilà. Mais entièrement d'accord. Hein, on a, et pour le coup, quand on pose la question, et c'était une de vos animations que vous aviez fait au mois d'avril dernier, ouais. Il y a presque un an, où il y avait un bonhomme d'OpenStreetMap de la ville d'Orange, voilà. qui était venu. Bon, moi, j'y étais pas, mais du coup, les films, les vidéos sont en ligne. Et j'ai trouvé son intervention très intéressante. Du coup, sa position, c'est de dire, mais pas grave, OpenStreetMap est une donnée vivante, elle est là pour vivre, et l'argument, c'est ça. Mais l'embêtant, c'est que nous, en tant que chercheurs, c'est bien gentil, les gars, mais il manque de la donnée, quand même. Alors certes, allons-y, cartographions, banco, faisons petite fouille. Après, juste pour répondre à votre commentaire sur la cartographie des sols, oui. Moi, je suis aussi tout à fait d'accord qu'il existe des experts qui cartographient, notamment pour les sols. C'est une cartographie hyper chère. Ah, c'est très compliqué. Hyper compliqué, très cher, où il faut des experts qui fassent ça. C'est pas n'importe qui pour la faire. Tout à fait. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord aussi qu'il y ait des comités qui analysent la qualité des données et après, ils la fournissent. Mais les problèmes. Il faut différencier les problèmes, il ne faut pas tout mettre dans le même lot. Mais par exemple, pour les climats ou les données pédologiques, qui sont des données aussi très délicates, qu'il faut bien maîtriser. Donc, mais pas pour ça, elle doit être pas libre. C'est ça le problème. Alors, ils mettent un certain nombre de choses de libre, mais qui sont, comme vous le disiez, agrégées, traitées, et qui sont, je dirais, facile d'accès pour le commun des mortels. Je ne suis pas météorologue, j'ai besoin de temps en temps d'informations, mais du coup, la finesse de l'information, si j'ai besoin d'informations plus précises, ben là, je suis obligé de rentrer dans l'ancien système qui nécessitait d'aller vérifier les champs dont j'avais besoin, le nombre de stations dont j'ai besoin, etc. Donc là, c'est beaucoup plus lourd. Mais comme vous le disiez, effectivement, on peut avoir une information digérée par des experts. Agrégé par des experts. La CNIL, elle ne fonctionne pas pour tout le monde, mais quand vous consultez l'INSEE ne diffuse pas d'informations à moins de 10 individus par maille, que ce soit des mailles infracommunales, que ce soit maintenant les petits carreaux, la carte carroyée. Vous ne verrez jamais d'informations en deçà de 10 individus, 10 minages, ou, etc. Donc, c'est pour la liste des prénoms. Voilà. Pour la liste des prénoms qui sont mis dans une commune, c'est tout prénom qui a été cité moins d'une fois, mais il n'est pas dans la liste. Donc il va vous en manquer plein si c'est une année où les parents ont voulu être corrigido, par exemple. C'est important de savoir lire les données parce que on dirait en fait, il en manque beaucoup parce que. Voilà. Donc d'où la culture de la donnée. J'ai pris la parole pour faire un peu mon droit de défense. En fait, sur l'ouverture des données, je n'ai pas dit que c'était les ouvrir pour les ouvrir. En fait, toutes les notions de transparence, etc., sont en fait des valeurs que je défends énormément. Et je n'agresse personne quand je vois tous ces gens qui lisent la presse gratuite, tous ceux qui vont faire des achats faciles dans les supermarchés, le consumérisme à outrance. Donc, évidemment, on ne va pas changer la planète comme ça. Mais pour tous ceux qui sont militants, qui font des vraies actions, comme nedéputé.fr, peut-être aussi parce que vous ne savez pas que ça existait, vous n'y êtes pas allé. Si vous y allez, vous allez voir qu'avec les données, il ne faut pas juste de la donnée démographique. En fait, ils font des travaux sur le lobbying, parce que le lobbying, aujourd'hui, il y a une grande majorité de gens qui sont contre le lobbying. Ils disent, on est manipulé, ils manipulent nos élus. Et c'est un des fondements de la démocratie, le lobbying. C'est juste qu'on n'applique pas, on l'utilise pas. Et en fait, on devrait, c'est aux citoyens de faire du lobbying. Et si après, il y en a quelques-uns qui se mettent en jeu, il n'y a qu'eux qui sont représentés, mais c'est parce que. Voilà, je retiens les expressions que je dis en petit public, mais voilà, il faut bouger, quoi, c'est tout. Donc par contre, ceux qui bougent, ils ont besoin de la donnée, et c'est pas juste pour faire des jolis graphiques. Après, les hackers, tout ça, on donne plein de noms. Quand on voit quelqu'un avec un téléphone tout le temps, on dit que c'est un geek, qu'est-ce que c'est qu'un geek. Voilà, donc il faut faire attention entre l'apparence, quoi, la perception, et la réalité. Et en fait, quand vous voulez faire, par exemple, pour voir qu'il manquait le nom des votes sur un conseil municipal, faut avoir été le chercher le rapport du conseil municipal. Qui l'a déjà fait ? Qui a déjà fait. Un, deux, deux, trois, voilà. Donc pareil, il ne faut pas prendre la partie des gens dans une population, là, comme là, parce qu'on va trouver très peu de gens. Alors les autres, de toi, je les traite. Donc du coup, je ne les traite pas, je les respecte. Et donc du coup, il y a trois personnes qui ont déjà fait la démarche d'aller à la mairie, et ce qui n'est pas facile, parce que par exemple, moi, si je travaille de 8h à 21h, eh ben, je ne peux pas aller à la mairie chercher les papiers. Donc ce n'est pas plus accessible. Donc du coup, s'ils étaient sur Internet, eh ben, je pourrais aller faire... En l'occurrence. Sur ceux de la mairie de Tours. Là, c'était joué, mais a priori, oui, c'est la mairie de Tours. Voilà, mais il n'y a pas... Enfin, voilà, on ne sait pas si c'est le vrai, le pas vrai, mais c'est, ça dépend. Voilà, ça dépend. Donc on est, nous, on est pour qu'ils y soient, et après, comme ça, on peut s'en rendre compte s'y intéresser. Mais c'est pas du tout une histoire de se faire plaisir à faire des graphiques. Alors, non, mais je caricature. Okay, j'ai caricaturé. J'ai caricaturé. Ensuite, c'est ce que je vois beaucoup chez des libristes actifs sur Internet. Dans tous les domaines, on a trouvé tout le monde. Hein. Oui. Non, je veux pas que tu me sortes attaqué par moi. Non, mais je veux dire, les supermarchés, ils sont pleins de salut. Quoi. Les gens, ils ont pas autre chose à faire. Quoi. Donc, après, si je vais pas m'occuper de l'open data par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est vraiment, pour moi, c'est la transparence, c'est hyper essentiel. Mais par contre, sur nos députés, le lobbying, il y a tout un travail, et enfin, moi, le député.fr, j'ai découvert via un assistant parlementaire qui est blogueur et qui a beaucoup fait la promotion du projet et qui, par ailleurs, défend beaucoup le rôle des lobbies. Je ne dis pas que c'est lié, je dis qu'il défend beaucoup le rôle des lobbies. Et effectivement, nos députés.fr va pouvoir mettre en lumière le rôle des lobbies. Ce qui est intéressant, c'est que là, tu viens de dire que les lobbies avaient un rôle fondamental et qu'en fait, c'est aussi bien par le lobbying. Sauf que l'industrie agroalimentaire aura toujours plus de moyens qu'un collectif citoyen pour faire du lobbying. Ouais. L'industrie de la pêche en eau profonde, comme on a pu le voir récemment, aura toujours plus de poids qu'une blogueuse. C'est comme la caméra. C'est pas parce qu'il y a des violeurs ou des voleurs qu'on justifie les caméras, en fait. Et bien, c'est pas parce qu'il y a des gros lobbies que je vais enlever le lobbying. Parce que sinon, il y a des violeurs, ça, bah, il faut mettre des caméras, je suis pour. Parce que ce serait ma fille ou mon fils. Et du coup, il faut faire vachement gaffe à ça. Non, mais sous prétexte de transparence, en fait, aujourd'hui, le gouvernement, comme l'a fait Bruxelles, dit on légifère sur le lobbying. Donc, il n'y a plus rien à cacher. Les lobbyistes n'ont rien à cacher. Regardez, ils déclarent leurs intérêts, etc. Et donc, ne vous inquiétez plus, il n'y a pas d'enjeu qu'on vous cache. Le lobbying, c'est propre, puisque vous savez tout. Et c'est complètement dépolitisant, en fait. On va peut-être prendre une question, c'est dans la salle, pour pas juste discuter entre nous, même si c'est très intéressant, qu'il y ait une question par là. Oui. Ouais, moi, je voulais réagir, il y a deux choses. Ah, c'était pas moi. Si, c'est vous, et puis on prendra la question suivante. Il y a deux choses qui me paraissent un peu contradictoires, en fait, dans ce que tu as dit. Au début, tu dis, moi, je suis pas pour la culture du chiffre, enfin, de la donnée, plutôt, parce que enfin, c'était ça, c'était la culture de la donnée. Et puis à la fin, de toute manière, c'est illusoire de se dire que l'ouverture de la donnée, ça va être un outil de démocratie. Mais en fait, c'est justement parce qu'on ne crée pas une culture de la donnée que la donnée, c'est pas un outil de démocratie. Quand il y a des gens, comme sur nosdéputés.fr, qui ont cette capacité-là à traiter de la donnée, à lui donner du sens, à faire de jolis graphiques qui ont du sens, c'est là que ça devient un outil de démocratie, parce qu'on va se rendre compte justement que, ok, on met les infos sur les lobbies, mais si elles sont pas traitées, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'elles servent à rien. Ça ne va pas enlever leur poids. Que là, en ayant des jolis graphiques, on peut permettre aux gens de se rendre compte qu'effectivement, il y a certains lobbies qui ont énormément de poids et qui sont très présents auprès de certains politiques. Et c'est tout cet espace de médiation qui a été rapidement abordé au tout début et puis plus après dans les deux autres exposés. Mais de créer de la médiation avec les citoyens pour justement leur donner cette culture de la donnée. Et c'est ça, c'est pas une culture du chiffre, il faut faire du chiffre, c'est une culture de la donnée. Savoir l'interpréter, c'est approprié, parce que chacun ne pourra pas... tout le monde peut pas se mettre sur nosdéputés.fr, plus les caméras, plus machin. Chacun va avoir son utilisation de la donnée, mais qui va permettre de donner du sens. Et le data journalist, par exemple, c'est exactement ça. C'est comment même un citoyen peut devenir journaliste en juste sachant savoir où récupérer la donnée, comment la traiter et comment la mettre un peu en valeur pour pouvoir donner un sens nouveau à des données qui sont utilisées dans un sens précis. Bah, les caméras, c'est pas un très bon exemple, mais par exemple... je sais pas, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui utilise les mêmes données que les caméras, mais qui a envie d'en faire autre chose. Et du coup, c'est justement réussir à se réapproprier ces données-là, je pense que c'est vachement important. Et c'est pour ça que pour moi, l'ouverture de la donnée, c'est c'est illusoire dans le monde dans lequel on est, mais c'est pas illusoire justement si on en fait une utopie et qu'on essaye d'aller vers ce que ça devient un vrai outil de démocratisation, quoi, accompagner les gens vers ça. Tu veux répondre on prend d'autres questions, sinon on peut prendre on prend plusieurs questions, puis on. Voilà. Oui, donc je suis à la fois blogueur et membre de l'association Aquavit qui promeut l'open data et qui essaye de combler les lacunes qu'il y a au niveau de la ville en particulier. Donc déjà sur ce problème de cloisonnement, je peux déjà apporter des éléments de réponse puisque on met sur notre site le plan local d'urbanisme, on met les permis de construire et de démolir, on met un certain nombre d'informations dessus qui ne sont pas disponibles sur le site de la ville. On a des statistiques qui nous montrent qu'effectivement le plan local d'urbanisme en particulier est souvent téléchargé et donc il y a des gens qui sont preneurs de l'information, qui l'utilisent. Donc je ne pense pas que ce soit si cloisonné que ça, et en plus je pense qu'il y a deux niveaux d'utilisation de ces informations. Moi, je ne suis pas allé sur député.fr. Par contre, j'ai été voir sur un site qui reprenait l'utilisation des fonds de chacun des députés, quelle utilisation faisait mon député de l'argent qu'on lui donnait. Pareil, des gens qui vont sur la COVID vont avoir des informations déjà synthétisées, qui vont... c'est pas chacun qui a besoin d'aller sur l'information primaire, je dirais. Il y a des niveaux synthétiques qui peuvent être faits par des blogs, par des sites, par des personnes qui connaissent les sujets et qui rendent les informations plus compréhensibles. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire aussi quand même qu'il y a des villes qui pratiquent l'open data. Il y a maintenant, il y en avait déjà une vingtaine il y a deux ans. Il va y en avoir peut-être une cinquantaine maintenant de villes et de municipalités qui pratiquent l'open data, en particulier Bordeaux, Nantes, des villes plus petites. Donc c'est un mouvement général en France. Tours est complètement à côté de la plaque là-dessus. Il y a d'autres progrès, je pourrais vous en parler pas mal d'ailleurs, de ce qu'il y a pas. Il y a d'autres éléments qui sont les enquêtes publiques. C'est très important les enquêtes publiques, puisque c'est une consultation démocratique qui se fait au niveau de la population. Et donc là, il y a des avancées très importantes qui ont lieu au niveau national, c'est-à-dire que depuis 2012, les dossiers sont directement accessibles sur Internet et on peut directement répondre aux enquêtes publiques par email. Donc ça change quand même beaucoup les choses, puisqu'avant, il fallait se déplacer directement en mairie pour en prendre connaissance, passer une demi-journée sur place, puis ensuite rédiger son... Donc là, il y a des progrès, et il y a d'autres progrès qui se font au niveau de toutes les villes de France, puisqu'il y a eu le 19 décembre dernier un arrêté du ministère de la Ville qui annonce la création au 1er janvier 2016 d'un portail national reprenant tous les documents de toutes les communes. Donc on y trouvera tous les PLU et beaucoup d'autres informations. Donc ça, c'est autant il n'y a pas de volonté au niveau local, autant apparemment du point de vue national, il y a des avancées importantes qui se font en ce moment. Voilà ce que je voulais dire. Par contre, j'avais une autre question précise aux cartographes. Il n'y a pas de carte avec délimitation des communes. Oui. Où ça? Oui. On ne trouve pas facilement, moi je n'ai pas trouvé, et je crois que c'est une raison historique qui fait qu'on n'a pas de carte, on fait des cartes avec la délimitation des régions, avec la délimitation des départements, par contre au niveau des communes, on n'en trouve pas. Elle est sur OpenStreetMap en téléchargement. Les limites communales, elles existent sur OpenStreetMap. OpenStreetMap vient d'ailleurs... De finir un projet qui était la constitution d'un maillage communal OpenStreetMap qui fait un peu concurrence, pas tout à fait, à celui téléchargeable par l'IGN. L'avantage OpenStreetMap, c'est qu'ils ont trois niveaux de généralisation. Je me souviens avoir cherché ça il y a 3-4 ans et de ne pas avoir trouvé, d'avoir trouvé une explication historique qui faisait qu'il y avait une raison le site de l'IGN. Oui. Géofla. Alors oui, ça, après, oui. C'est parce qu'ils ont des codes qu'on ne comprend pas, mais c'est, en fait, c'est les communes Géofla. Est-ce qu'il y avait une question par là? Moi, je voudrais parler. Je pense au stockage. Comme il y a quelques siècles, depuis quelques siècles, dans les administrations, il y a eu des empilements de dossiers, tout ça. Moi, avec toutes les données qu'on accumule avec les heures d'informatique comme ça, moi, j'ai peur un petit peu que l'on ait des blocos informatiques. Il faut climatiser pour que ça ne chauffe pas trop. Hein, et que l'on soit envahi par ça et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? Quelles sont celles qui sont cumulables? Quelles sont celles qui sont, que l'on peut enlever? Est-ce qu'il y a une possibilité de tri? Et dans quelle optique peut-on faire? Parce que ces blocos énormes, ça va nous prendre de la place, alors qu'on nous dit toujours qu'il y a une place pour faire des logements en ville. Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que si on doit trouver quelques mérites à l'open data, qui est par exemple de poser ces questions-là, parce qu'on va s'intéresser de façon factuelle à la donnée, et après on va pouvoir commencer à se cultiver, à savoir, et ouais, qu'est-ce qu'on en fait, puis celle-ci, en a-t-on vraiment besoin? Et pour pouvoir poser cette question de façon démocratique, il faut quand même être plusieurs à s'être cultivés, en fait, autour de ça. C'est, voilà. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même une question qui va au-delà de l'open data, qui s'intéresse. Ça va au-delà, c'est carrément la notion d'archivage. L'archivage est un vrai problème. Il existe le CINES en France, il existe une structure qui s'occupe de l'archivage des données publiques, le CINES, qui est basé à Montpellier. Et effectivement, comme vous le dites, c'est un vrai blocos avec climatiseur parce que machin et tout, avec des doubles sauvegardes. C'est toute une procédure assez complexe préserver et faire perdurer la demande. Et surtout, la rendre pérenne, étant entendu que les systèmes informatiques évoluent. Donc c'est toute une difficulté et technique et informatique. Mais c'est effectivement un vrai problème. Ceci dit, il ne faut pas croire que toute la donnée que l'on produit va couvrir des villes entières. Moi, dans mon ordinateur, j'ai l'équivalent de la cartothèque de Tours là-dedans. Quoi. Donc ça tient pas grand-chose de place, une fois numérique. Mais vous n'êtes pas le seul à l'utiliser aussi, il y a plein de gens. Exactement. Il y a des choses dans le bien, donc on l'a vu. Oui, mais bien sûr. Il y a votre voisin là aussi. C'est une piste que vous tirez. Mais c'est un problème d'archivage. Et là, c'est un problème, effectivement, qui n'est pas de l'ordre de l'open data, comme vous le dites, c'est un problème national. D'intérêt national. Et l'écologie intervient de mondiale. Il faut quand même prendre l'énergie pour. Il faut quand même se rendre compte, pardon, en particulier ce que c'est Google. C'est-à-dire qu'il y a la traduction des paroles en numérique. Avant, on faisait un programme qui, au niveau de l'ordinateur, en local, faisait la traduction. Maintenant, avec Google et d'autres choses, ils enregistrent nos voix dans des big data, et à chaque fois qu'on parle pour avoir une traduction, ils l'enregistrent, ils améliorent leur processus, et ils emmagasinent une quantité d'informations épouvantables qui ne servent qu'est-ce que des conneries comme ça, si je puis dire. Autant on a besoin parfois, on a besoin pour les cartographies, là, tout ça, enregistré, c'est ça. D'enregistrer les choses, autant il y a des salles aussi qu'on enregistre, qu'on n'a pas du tout besoin, et qui coûtent de l'énergie folle. Tu voulais réagir par rapport? Non, juste, tout ce qui est ferme de serveur aujourd'hui, ça représente déjà des espaces de stockage considérables, et ça a un coût écologique absolument considérable. Et sur l'archivage de la donnée, ce qui est enregistré, enfin ce qui est archivé, etc. Parmi les révélations faites par Edward Snowden, il y a eu notamment le fait que la NSA, donc la National Security Agency, qui est l'agence de sécurité américaine, enregistre des emails chiffrés qu'elle n'est pas en mesure aujourd'hui de déchiffrer et de lire. Elle les stocke et ça représente des volumes considérables. De données, dans l'espoir et en sachant que d'ici quelques années, elle aura les possibilités de calcul qui lui permettront de lire ses emails. Donc tout ça, c'est de l'archivage, on pourrait imaginer à fond perdu, mais tout ça rentre dans les données qui, un jour, on aura les capacités de les exploiter, donc sauvegardons aussi cette donnée. Il y a une question. Il y avait aussi une question, mais simplement aujourd'hui, dans le supplément du journal Le Monde, culturisé, il y a un article sur les big data, et donc j'ai pris le temps de le lire après-midi, et effectivement, on se demande comment on va traiter tout ça qui représente un énorme volume, une très grande variété, qui arrive à très grande vitesse, et on se demandait quel mathématicien, quels algorithmiciens pourraient effectivement un jour ou pourront, dans un temps proche, traiter tout ce que vous venez de dire. C'est tout l'enjeu des big data, effectivement, et Google Maps, c'est ce problème-là, hein, c'est traiter des milliards d'informations pour la rendre exploitable commercialement. Hein, Pour rebondir aussi sur l'archivage devient un vrai métier, un vrai service commercial qui est vraiment exploité et justement pour ces gros producteurs de données que sont nos chers fournisseurs de données. Mais après, pour archiver, il faut quand même retravailler le produit pour pouvoir bien y accéder. C'est pas compliqué en soi de stocker de la donnée, c'est des... Non, tout à fait. C'est l'exploiter. Après, le big data, c'est comme le cloud, ça ne veut rien dire. Non, mais c'est le traitement. L'idée, c'est comment traiter tout ça, comment exploiter l'information commercialement viable, hein, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Comment exploiter cette information à des fins commerciales. Ici, le big data, c'est comme dit Jean Brieux, hein, c'est pouvoir le traiter, des données que si tu ne sais pas, va mettre des années à les traiter et eux en fait ils arrivent à les traiter en une semaine voire en 15 jours. Ah, mais c'est pas du big data, c'est juste le big data c'est ça. Il faut aller voir les chercheurs, ils font d'autres algorithmes, ils font un autre informatique. Mais ça c'est pas du big data. Data, ça veut pas dire ça. Big data, ça veut dire grosse donnée. Non, là, c'est juste la donnée que tu traites avec c'est extrapolé au traitement qu'on peut en faire. C'est vrai que le data, on pourrait avoir peur qu'il s'en rime parce que c'est ouvert, mais non, c'est à vous, mais non, c'est vrai. Cécilia, je voulais réagir. Bah justement, enfin moi c'était là-dessus que je voulais attirer l'attention. C'est sur l'aspect justement pourquoi on stocke toutes ces données et pour en faire quoi. Et effectivement, je crois que c'est une grande manne commerciale et que ce que, enfin les dérives du coup de l'open data, c'est de pouvoir créer un nouveau genre de rentier. En fait, on leur fournit un tout un tas de données gratuitement qui est à leur disposition et qui pour certaines données, c'est facile de les commercialiser rapidement. Pour d'autres, voilà, ça demande un peu plus de... Dont certaines, on ne sait même pas comment les traiter à l'heure actuelle. On espère pouvoir les traiter un jour. Et le but, c'est quand même voilà, de les rendre marchandes. Alors moi, sur l'exposé où il y avait sortir du système opposition marchand non marchand, enfin, je trouve que c'est une mauvaise blague. Quoi. Je veux dire, on voit bien ce qu'il y a derrière. On voit bien que l'enjeu, il est commercial. Alors, cette culture de la donnée, pour moi, là où elle est dangereuse, c'est qu'en fait, elle est totalement apolitique. Enfin, on ne voit plus les enjeux de pouvoir en fait, qu'il y a derrière. Enfin, c'est lissé, en fait. Ils sont là pourtant. Hein. Ouais. Là. Entre business et surveillance, pour prendre les thèmes remontés, je suis quand même l'objectif de garder tous ces trucs-là. Mais pour en faire quoi? Ben, c'est ça, le truc. Pour les vendre. Enfin, et pouvoir discuter avec Open. Non, on les vend plus. Elles sont ouvertes, tout le monde peut y accéder, on peut plus les vendre. Vous voulez politiquement. Par contre, quand vous allez faire des choses. Il y a plein de gens qui en font une ressource économique et qui n'ont pas besoin de payer ces données. Sur l'open data. Sur les données ouvertes publiques. Là, en fait, là, je crois qu'ils perdent plutôt de l'argent, ce qu'ils les vendaient, en fait. Vous allez sur des entreprises qui sont dans la région et vous allez voir à vendre à 40 euros des trucs qui sont gratuits sur l'IGN. Non, ça c'est. Par contre, je vous rejoins sur tout le reste. Non, je parle des données publiques. Les données publiques. Si elles sont accessibles à tous, pourquoi vous iriez les acheter à quelqu'un si elles sont accessibles à tous? Je parle juste de la donnée publique, hein, je parle que c'est ou alors on ne s'est pas compris. Il y a la question de la lecture, c'est-à-dire que récupérer une base de données sur data.gouv, c'est pas forcément aussi lisible qu'une fois qu'elle est retraitée par le. Et donc c'est un service qui va pouvoir. C'est un service, c'est pas de données. Mais c'est le service. Et la directive de 2005, l'objet de la directive de 2005, c'est bien d'autoriser la réutilisation commerciale des données. Ah oui, c'est voilà. Si on veut l'utiliser. question, mais elle est déjà aujourd'hui, sauf qu'elle est encore plus chère. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui sont contre l'open data parce qu'elles perdent de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les données, elles les ont achetées sur des conventions avec l'État et elles vendent une fortune. Donc, je suis d'accord avec vous sur d'autres sujets, mais pas sur la donnée publique. Puisque sur la donnée publique, justement, pour l'instant, si vous les voulez, il y en a plein qui sont accessibles, sauf que vous êtes obligé de passer, d'aller les acheter et elles coûtent une fortune. Et là, on est en train de casser le plan. Donc, après, moi, la discussion, elle est plutôt oh, on va encore perdre des emplois. Ouais, c'est plutôt là le sujet. Mais, je crois que tu voulais réagir aussi. Ouais, à propos du traitement de la donnée et ce qu'on en fait, je ne sais pas si vous avez lu ces articles sur Google qui aujourd'hui est capable de mettre au point des cartes montrant différents types d'épidémies au fur et à mesure de leur déclenchement en fonction des mots-clés qui sont tapés par les utilisateurs de Google dans leur moteur de recherche. Et en fait, Google a l'algorithme et la puissance de serveur qui lui permet de voir en fonction des mots-clés rentrés, que dans la région de Los Angeles ou de ici les Moulineaux, il y a une épidémie de quelque chose qui est en train de se déclencher. Bon, et donc, alors c'est absolument fascinant, évidemment, et tout le monde est émerveillé. C'est les nouvelles possibilités que nous offrent les données et la société numérique. Pendant ce temps-là, on ferme des hôpitaux sur le territoire français, et il y a des nouvelles maladies, enfin des maladies qui avaient été éradiquées en France, qui réapparaissent dans les quartiers populaires, dans les banlieues populaires de l'Île-de-France. Voilà. Et pendant qu'on a les yeux rivés sur les nouvelles possibilités merveilleuses que nous offrent les données, on perd de vue des acquis qu'on avait et on est en train de se tirer une balle dans le pied pour le monde enchanté que nous offre Google. Du coup, on peut peut-être essayer de faire les deux quand même. Ce ne serait pas avec Google, mais ce serait avec autre chose. Du coup, ce serait peut-être public et tout ça. Enfin, je ne vois pas pourquoi on oppose systématiquement forcément les deux. Enfin, moi, dans l'idéal, ce serait bien sûr de garder les hôpitaux et d'avoir un moyen, enfin, profiter quand même de ce que ça permet. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire moi, je suis peut-être un peu pessimiste sur le fait que, vraisemblablement, on va en faire des choses commerciales, parce qu'aujourd'hui, on voit qui possède les serveurs, on voit très bien qui chapeaute qui a la puissance de calcul. Ils ont juste 3000 longueurs d'avance sur nous. Cependant, on ne peut pas nier que, moi, je reviendrai peut-être plus sur le domaine de la culture, par exemple, où il y a un site comme l'INA ou des trucs comme ça, qui sont justement géniaux, enfin, c'est-à-dire que on ne sait pas justement à quoi ça va servir, c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que c'est à la fois dangereux mais à la fois c'est bien, parce que peut-être qu'il y a un type dans 10 ans, il va en faire un truc génial, mais c'est vrai que s'il n'a pas la donnée à ce moment-là, il ne le fera pas. Donc c'est là où pour moi c'est vraiment l'équilibre, il est là, quoi. C'est-à-dire que dire il ne faut pas mettre de données accessibles, enfin, moi je ne suis pas d'accord non plus, quoi. Parce qu'on ne sait pas justement, on ne sait pas, il y a aussi des choses bien qui peuvent en être faites. Juste pour clarifier mon propos, parce que je n'ai pas été très clair tout à l'heure, je ne suis pas du tout contre les données que met au point l'INSEE sur le taux de chômage de la population d'agriculteurs en Indre-et-Loire ou le maraîchage à Clermont-Ferrand. De la même manière, les échanges de données entre scientifiques pour améliorer les connaissances de la recherche, je n'y suis pas opposé. C'est la collecte généralisée de données sans aucune visibilité ni aucun contrôle politique qui, à mon avis, pose vraiment problème en termes de contrôle des populations. Je me permets juste de... Je vous ai dit que j'étais le gardien du temps ce soir, donc je dois jouer mon rôle, qui est un peu un rôle de rabat-joie. Juste pour vous dire qu'il nous reste en gros 5 minutes, si on veut tenir l'heure des 22h30. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être prendre quelques questions dans la salle, si vous en avez encore, et puis je pense qu'on clôturera sur ces questions-là, ce Café Géo. Oui. C'est une question toute simple. C'est là, bonjour, carte table et tout, on a entendu parler d'un nombre incroyable de sites d'ingénieurs à l'existence. Est-ce qu'il y a un site dans lequel il y a un catalogue de ces éléments-là, de tous ces sites-là, qui les présente un petit peu, de façon à ce qu'on puisse les retrouver quand même pour nous les utiliser? Et puis j'aurais une deuxième question, est-ce qu'au niveau européen, il y a un open data qui se fait comme au niveau français, etc.? Oui, il y a un open data européen. Alors je vais pas si vous tapez Europe open data, vous tomberez sur un site européen, en anglais ou en français. Si, ça existe. Ah, il y a ça. On peut même aussi faire de la démocratie sur l'Europe, on peut écrire et tout. Alors, après, il faut râler parce que c'est en anglais, mais les consultations en public, ça marche super bien sur les plateformes. Il faut même de la médiation auprès des jeunes, donc il y a des adultes pour accompagner les jeunes à communiquer sur les plateformes européennes en numérique, pour discuter des projets de loi et tout. Il y a plein de trucs, mais sauf que c'est juste en anglais. Voilà. Et en plus, c'est pas de l'anglais informatique, hein, c'est du vrai anglais. Il y a d'autres questions. Et sinon, des sites généralistes qui nous permettent de retrouver des articles qui fasse un petit peu un bottom, si on peut dire. Ça existe ou pas? Bah, sur les blogs, oui. Ouais, sur les blogs. Sur les Liberty, Liberty, Liberty, c'est Liberty. C'est vrai. La Liberty. Question. Moi, je voulais juste réagir sur ne pas diaboliser non plus l'utilisation économique qui peut être faite des données derrière. Parce que, non, mais pas diaboliser dans le sens où il y a aussi des gens qui peuvent le faire de manière raisonnable juste pour se rémunérer quand ils auront passé à traiter ces données. Même prévoir une épidémie, c'est pas Google qui le fait, c'est un grand entrepreneur, et ben il aura quand même passé du temps dessus et juste pour payer à beaucoup. Quoi. Enfin, pas... Après, il y a des grosses dérives, ouais, mais il ne faut pas la diaboliser de base. Voilà. Donc, il faut diaboliser Auchan, Carrefour, mais pas les circuits courts. Et c'est pas pour ça que le bio, on ne va pas le payer. Quoi. Par contre, peut-être faut diaboliser les grands qui sont dans les goûts de poil. De toute façon, les grands, ils vont avoir accès à la donnée, même si elle n'est pas ouverte. Ouais. Voilà, ils les ont, les grands. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus de questions? Le monsieur a dit. Non, c'était une question. Alors, s'il y a encore des questions, il nous reste encore quelques minutes, donc vous pouvez en profiter si vous voulez encore réagir. Je veux donner un exemple sur OpenStreetMap. Je vous laisse la parole. Juste un exemple sur OpenStreetMap. Vous savez, c'est la carte là. En fait, on peut avoir les photos aériennes pour décalquer la carte. Mais en fait, vous savez où est-ce qu'on... qui est-ce qui nous a passé pour vous montrer qu'on est foutu si on laisse la main en gros, si on se déplace. Comment en France, on a le droit de décalquer la carte, la vue aérienne, hein, c'est pas du satellite par la NSA, hein, c'est notre gentil aglo, c'est les gentils aglos des autres agglomérations qui ont payé des avions, des entreprises qui ont été rémunérées, des avions qui passent pas très haut et qui font des photos. Vous savez où est-ce qu'on l'a? Où est-ce qu'on a le droit d'utiliser? Bing. Voilà, Bing. Et Bing, c'est Microsoft. Microsoft. Et comment ça se fait que Microsoft a le droit de nous le donner? C'est-à-dire que si je vais le chercher sur l'IGN, je suis dans l'illégalité. Et alors que la même photo, si je vais sur l'IGN, je suis dans l'illégalité, la même photo sur Microsoft, je suis dans la légalité. Comment c'est possible? Ben c'est le pognon qu'on leur laisse au gros monopole. C'est le même objet. Hein. En France, si je prends l'IGN, je suis dans l'illégalité. Je vais le chercher aux États-Unis, je suis dans, chez Microsoft, pardon, je suis dans la légalité. En fait, c'est que lui, il a un gros chèque. Et il a fait un énorme chèque à l'IGN et donc il a le droit de faire ce qu'il veut après. Et donc du coup, ça a changé de droit. Et donc si on s'en occupe pas, et ben, en fait, il ne va plus y avoir que des énormes trucs qui vont gérer Big Brother. Quoi. Donc c'est là où moi j'ai peur, c'est dans les gros, c'est pas dans les petits en fait. C'est dans le fait que notre téléphone, Google, il sort, il fait de la fibre optique, il fait du téléphone, il est en train de fabriquer des processeurs. Donc il faut arrêter de toucher Google juste parce que, comme vous avez dit, l'IA c'est bien, peut-être quelque part... Il va se passer quelque chose en 10 ans, et bien juste peut-être arrêter Google parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans. Et il fait les téléphones, il fait tout. Donc du coup, voilà. C'est sûr. Et monsieur, vous voulez poser une question aussi? J'ai vraiment une dernière question. Oui, c'est une question pour monsieur Andrieux, je pense. Oui. C'est à propos de la réactivité des souris mappeuses. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit qu'elles étaient capables de réagir très vite, donc dans des situations, par exemple, de. Une catastrophe, de produire des cartes très intéressantes. Alors, comment vous positionnez le niveau de crédibilité de ce qu'offrent les souris mappeuses par rapport à des organismes professionnels comme par exemple le CERTIT à Strasbourg, qui est l'organisme officiel, je dirais, qui est mis en œuvre, sitôt qu'il y a une catastrophe, pour commander tout de suite des images satellites qui vont bien, etc., et sortir dans l'heure suivante la carte qui aide des services. Alors, les images satellites, c'est une chose. Interpréter des images aériennes ou des images satellitaires, c'est un autre métier. Aller sur le terrain, alors le procédé d'acquisition de la donnée d'OpenStreetMap, c'est vous prenez votre GPS et vous parcourez le terrain. Et là, vous circonscrivez une zone d'un bâtiment détruit si vous êtes sur une zone de tremblement de terre, et vous entrez tout ça dans OpenStreetMap. Ils font ça avec des gens sur le terrain et des GPS. Donc le système est quand même, le procédé est quand même bien balisé. J'ai eu effectivement tendance à dire qu'il y avait quelques points d'interrogation en termes d'exhaustivité, de superposition, d'harmonisation. Mais en tout état de cause, ce sont des cartes qui servent énormément c'est un système de production de données géographiques qui sert énormément à l'aide humanitaire. Le premier gros tremblement de terre que OpenStreetMap a couvert, c'est Haïti en 2010. Et c'est devenu un peu son emblème. Ayane en Philippines, idem. Vous allez sur OpenStreetMap où il y a même terrain de guerre en Syrie qui est ce terrain est couvert aussi. Donc là pour le coup, effectivement, commander de la photo satellitaire c'est quelque chose, la traiter, faire des traitements d'images satellitaires c'est quelque chose, mais on ne pourra pas gagner la précision du terrain. Où là, sur le terrain, on verra que cette maison, elle est détruite, ça représente telle chose, etc. Non, mais j'entends bien, mais justement, comment fonctionne la coordination éventuelle entre les deux niveaux de la l'accès à la donnée. Parce que si le COGIC, celui qui organise les trucs là, ben, l'armée et la Croix-Rouge, et ben, ils ont les GPS qui prennent OpenStreetMap et ils prennent OpenStreetMap. Voilà. Et en fait, ça fait en 24 heures, vous avez 10 000 personnes qui vont aider à... La coordination entre les deux, donc... Bah, je ne suis pas sûr qu'il y ait de coordination, ou alors il y a des ententes. C'est pas de bazar. Non, là, je ne saurais pas dire, je ne suis pas dans les détails. Il n'y a pas de coordination, c'est juste qu'ils sont juste impressionnés que d'avoir une carte sur un pays, il n'y en avait pas, ou elle datait de 60 ans, donc on ne peut pas organiser les secours. On arrive sur un tarmac avec deux avions. Et bien, du coup, dans la nuit, on est 10 000 à avoir. Parce qu'en fait, les photos satellites, quand il y a une catastrophe, elles sont pour tout le monde. En fait, elles n'arrivent pas dans les centres, elles arrivent dans une université, elles sont traitées, puis elles sont livrées à qui veut bien. Enfin, en tout cas, on peut les avoir. On les a, et après, on les mappe. Et là, vous avez 5 000, 10 000 personnes qui vont venir, donc en 24 heures, qui vont avoir fait tous les circuits, etc. Avec évidemment de la faute, mais déjà, ça sera mieux que rien. Et rapidement, ils peuvent les charger sur leur GPS Garmin. Il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait de coordination. On est sur deux types de traitements complètement différents et deux utilités complètement différentes. À mon sens. Hein. Si vous voulez bien, je pense qu'on va... Même s'il y aura peut-être d'autres réactions, mais il y a un petit moment en collation, je vous ai dit, après le café jaune, donc vous pourrez éventuellement continuer à échanger avec nos intervenants. Juste avant que vous partiez, je voulais juste donner, si vous voulez bien, deux, trois petites choses. D'abord, je tenais à remercier nos trois intervenants d'être venus ce soir. Je tenais également à vous remercier, vous, public, d'être venus participer à cette soirée. Et je trouvais voilà, qu'il y avait très intéressant ces échanges qu'il y a eu avec la salle. Et c'est ce genre de débat qu'on aime avoir avec les Cafés Géo. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez soutenir l'équipe des Cafés Géographie, puisque dans la société marchande, même si nous, on s'investit bénévolement pour faire des cafés géographie, malheureusement, tout n'est pas gratuit. Et c'est aussi un coût d'organiser ces cafés géo pour les programmes, pour les affiches, etc. Et donc, vous pouvez soutenir les cafés géo. Il y a des boîtes tire-lire qui sont pour ça à disposition. Je voulais aussi rajouter, vous pouvez également soutenir l'action de l'Université populaire de Tours, donc dans son travail d'éducation populaire. Et il est possible d'adhérer, justement, là, il y a une petite main qui se lève derrière. Il est possible d'adhérer à l'UPT pour la soutenir. L'adhésion, c'est 8 euros. C'est pas un montant énorme. Et puis enfin, je voudrais juste terminer en vous disant que le prochain café géographie aura lieu dans cette salle, ici, le 12 février prochain, à 20h30. Et il portera sur la question de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Merci.